Alors Daniel, la lumière sur les guides de lumière, un sujet très controversé. Alors il me semble peut-être que pour débuter, il serait de bonne aloi peut-être de faire un espèce d'inventaire des guides de lumière, parce que depuis des époques très reculées jusqu'à nos jours, on a beaucoup parlé de ces guides de lumière, et c'est un sujet qui est interprété de façon très différente suivant les écoles de pensée, les groupes ésotériques, ou suivant l'expérience individuelle. Alors, ici au Québec, ça a été très popularisé par Mgr Franck Schaffner. Je pense que ça a été la conférence qui l'a fait connaître dans le public. Sa première conférence a été sur les guides de lumière, justement. Et on a appris, donc, une première catégorie de guides de lumière en compagnie de Mgr Franck Schaffner. Il a donc côtoyé ces guides de lumière. On a appris que ces guides de lumière étaient de nature physique, qu'ils avaient un corps comme le nôtre. Et si j'ai bonne mémoire, au travers de ce qu'il disait dans sa conférence, ces guides de lumière, la lumière était là pour représenter la connaissance, une connaissance qui était probablement d'origine supraphysique ou extraplanétaire, en dehors de la mémoire collective. Alors ça, c'est une catégorie de guides de lumière, ceux de Mgr Franck Schaffner, donc des hommes de chair, où la lumière symbolise la connaissance. Il y a, on pourrait dire également, les guides de lumière qui sont les muses des poètes, des artistes, etc., donc où il y a une information, une communication qui se fait d'une manière télépathique, au même niveau que les grandes découvertes, les recherches des savants, des scientifiques. Il y a donc ici lumière, mais qui se manifeste sous forme d'inspiration. J'ai noté également, dans le concept ésotérique oriental, lorsqu'on parle de guide de lumière, on mentionne le Sanat Kumara, qui serait l'équivalent de l'Ancien des Jours dans la Bible. Et ce Sanat Kumara est au sommet de la hiérarchie spirituelle, de la hiérarchie cosmique, mais il est la manifestation sur le plan physique de la lumière. Et lui vit dans un corps physique, mais qui est rayonnant. Donc c'est une deuxième catégorie de guides de lumière. Il y a également les guides de lumière rencontrés, tels que témoignés par Jean Miguère, le contacté des extraterrestres. Vous avez certainement lu ses livres ou vous l'avez entendu en conférence. J'ai été le cobaye des extraterrestres. Et dans ses livres ou dans son récit, Jean Miguère mentionne la présence et le contact télépathique à partir de boules de lumière lorsqu'il était sur son lit d'hôpital. Et par la suite, de manifestations physiques qui se matérialisaient, qui se dématérialisaient, qui avaient même un nom, je me souviens que c'était Strobe, le nom que se donnait cette entité. Il y a également le concept du guide de lumière tel que développé très récemment par Richard Glenn, l'animateur d'ésotérisme expérimental. Je ne sais pas si vous suivez cette émission-là, mais à son avis, les guides de lumière, pour lui, ce qu'est un homme de lumière, eh bien, c'est l'homme du Verseau. L'homme nouveau, l'homme du Verseau, c'est en quelque sorte un guide de lumière. Et lorsqu'on l'interroge sur l'origine de cette lumière, eh bien, il prétend que les hommes nouveaux, les hommes du Verseau, seront phosphorescents. Autrement dit, il y a un problème, ou un problème, peut-être pas un problème, en tout cas, il y a une faculté de stocker dans le corps, d'après lui, tout ce qui est phosphorescent. Donc notre corps stockerait de plus en plus de matière phosphorescente. Je ne sais pas si ça provient de l'absorption du poisson, mais il me semble qu'on deviendrait plutôt mercurien ou liquide sous forme de mercure aujourd'hui que phosphorique. Alors ça, c'en est une. Et puis, il y en a une dernière amusante, c'est la Statue de la Liberté, qui est vraiment un guide de lumière pour les marins qui pénètrent dans le port de New York. Ceci juste pour apporter une petite note comique. Alors ça, c'est mon inventaire, et puis je suis sûr que tu as encore à compléter cet inventaire-là. Bon, bien évidemment, les guides de lumière, comme tu les as énumérés, se rapportent plus ou moins cosmiquement au même départ, à la même chose. Les guides de lumière qui vont, disons, occuper une partie de la conférence de ce soir, les guides de lumière de demain. Pour bien faire comprendre la différence entre les guides de lumière de demain et les guides de lumière d'aujourd'hui et du passé, je crois qu'il va falloir quand même qu'on revienne un peu sur toute la panoplie de guides que tu as énoncé là, de façon à en expliquer la provenance. Qu'est-ce qui fait que c'est lumineux? Enfin, pourquoi on les appelle des guides de lumière? Est-ce que le rayonnement lumineux ou est-ce que le rayonnement énergétique est réellement un symptôme de l'évolution? Ou si ce n'est pas plutôt le symptôme d'une différenciation? Les guides de lumière qui, par exemple, amènent de l'inspiration soit aux artistes, les muses, soit aux inventeurs, Ce sont des formes que l'on connaît bien, du moins dans le domaine ésotérisme supramental ou mental, des formes de manipulation astrale. On a les guides qui, des guides de lumière qui ont une provenance ou une tendance à faire croire qu'ils proviennent d'un extra-planétarialité, donc qui viendraient par exemple de Vénus ou d'une autre galaxie. On a des guides de lumière qui, selon certaines philosophies traditionnelles ou selon certaines écoles, viennent visiter les adeptes de cette école-là la nuit, par exemple, ou même lors d'un sommeil éveillé, pour les instruire de ce qu'ils devraient faire. Alors, on a des grands maîtres qui font office de guides de lumière, c'est-à-dire, un peu comme la Statue de Liberté, ils font office de phare. Donc, ils posséderaient la faculté soit d'éclairer le chemin de l'homme, soit de servir de phare vers lequel l'homme devrait se diriger en méconnaissant le terrain. Parce qu'il faut bien faire comprendre que un phare qui éclaire pour un bateau n'éclaire pas la mer. Il n'est qu'un point à l'horizon vers lequel tu te diriges, mais tu ne connais pas les embûches. Et très primitivement, l'homme s'est servi de ce phénomène du phare qui éclaire un point à l'horizon, mais qui n'éclaire pas le terrain entre le vaisseau et le phare pour créer un nouveau métier, le métier de naufrageur. Alors, on avait des personnes qui construisaient des phares dans des endroits où il y avait des écueils et des récifs pour que les bateaux, se méprenant entre deux phares, viennent s'échouer sur ces récifs pour pouvoir piller les bateaux, massacrer le monde et voler les trésors. Ça a existé, ça, oui. Ça a existé en Angleterre, ça a existé en France. D'ailleurs, tu as sans doute dans tes mémoires européennes des messages de naufrageurs. Alors, ces naufrageurs, dans le plan physique, en réalité, n'ont fait que copier les naufrageurs dans le plan astral ou, disons, dans le plan de l'évolution spirituelle. Parce qu'il se trouve justement que les guides de lumière présents et passés, la grande majorité de ces guides de lumière n'étaient que des naufrageurs. Ils ont manipulé l'homme de façon à ce que celui-ci invente, par exemple, quelque chose dans la matière et s'en serve pour la destruction par la suite. Ils ont manipulé les hommes de façon à ce que ceux-ci se dirigent vers certaines croyances, de façon à exclure d'eux la possibilité de comprendre des choses. Oui, mais dans toutes ces manifestations-là, il y a toujours un contact, soit physique et télépathique, et puis toujours la communication d'une information. Mais est-ce qu'eux sont donc responsables de l'usage que l'on fait de cette information? Tu sembles dire qu'ils manipulent, mais est-ce que ce n'est pas l'homme qui fait un mauvais emploi d'une information qui peut être correcte au départ? Bon, alors si, à ta question, je vais répondre que le manipulateur qui vient voir, dont le guide de lumière qui vient voir l'homme lorsque l'homme agit mal, est un manipulateur, c'est un naufrageur. Parce que lorsque tu as une connaissance particulière de quelque chose qui peut servir en bien ou en mal une collectivité, est-ce que tu vas t'évertuer à poursuivre l'instruction d'une personne qui s'en sert mal ou si à un moment donné tu vas couper le contact pour aller voir ailleurs? Si tu es supposé savoir que la personne va s'en servir bien ou mal. Si c'est un guide de lumière, selon la tradition des guides de lumière, celui-ci est au courant de ce qui se passe sur la planète parce qu'il amène des solutions. S'il amène des solutions, il connaît les problèmes. Et lorsqu'une personne reçoit, évidemment, je parle de la grande majorité des guides de lumière, du moins qui prétendent être guides de lumière, qui tendent à amener l'homme à ce naufrage d'évolution, c'est-à-dire à forcer l'homme à continuer à croire qu'il se dirige vers un endroit qui est correct, sans jamais, de toute façon l'homme ne pourrait pas le voir, sans jamais montrer à l'homme ce vers quoi il se dirige. Parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'un guide de lumière enseigne à l'homme que l'homme doit rechercher la paix et que dans un cadre de paix, l'homme va mieux évoluer. Et ça, on n'a pas juste les guides de lumière qui font ça. On a tous les phénomènes de manipulation collective reliés à l'instruction d'un individu par un guide de lumière. Cela peut être un prêtre qui, lui, instruit la collectivité et lui serait connecté. Cela peut être un conférencier, cela peut être un instigateur de mouvement, cela peut être un intervieweur, cela peut être un ministre, cela peut être n'importe quoi. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsque la personne recherche la paix, parce qu'il faut bien comprendre que, je fais juste une parenthèse, l'évolution de l'homme se fait mal en paix. Et l'homme a toujours été instruit, d'ailleurs l'homme croit fondamentalement, que si un jour il aurait le paradis, il pourrait évoluer. Alors, ce qui fait qu'une personne, par exemple, d'un contexte difficilement évoluable comme la ville, va déménager en campagne pour avoir plus de paix, pour être mieux. Et là, il pourra évoluer. Ce qui jusqu'à date, a démontré, ce qui a prouvé que l'homme ne connaissait rien aux lois de l'évolution, parce que chaque fois que l'homme se ramasse dans un lieu privilégiant la paix, un lieu de paix, l'homme cesse d'évoluer. L'homme baigne dans une euphorie qui est passagère, qui peut prendre un certain temps, qui est passagère, et les guides de lumière, la majorité des guides de lumière, ont toujours instruit l'homme de rechercher le paradis et non pas de s'améliorer. Bon, alors si je comprends bien, là, tu vas donc tenter de démystifier le phénomène des guides de lumière. Est-ce que tu veux démystifier, mais est-ce que tu ne fais pas peut-être deux catégories de guides de lumière, une supposément qui nous manipulerait, je ne sais pas moi, du plan astral, comme tu dis, puis une autre d'un autre plan, du plan éthérique au niveau de l'esprit, qui ne serait pas une manipulation. Est-ce que tu les mets tous dans le même sac? Non. Alors, on va reprendre tes guides un par un. Oui. Alors, passons avec le premier. Bon, il y a les guides de lumière de Frank Schaffner, bon, des hommes, un corps physique, qui entrent en contact avec des gens qui sont initiables sur la planète et qui leur communiquent une information supposément transcendante. Bon. Oui, c'est ça. L'instruction. Bon, alors, je vais répondre à certaines choses, mais étant donné qu'on nomme les sources et que le travail de ces personnes, c'est un travail qui est extrêmement utile. Même s'il n'est pas tout à fait compris par les personnes qui se disent conscientisées, on va devoir quand même limiter le contour de ce genre de guide de lumière. Le guide de lumière qui a un corps physique et qui peut se présenter devant une personne initiable, c'est un guide qui, effectivement, va être luminescent pour la même raison appelée par Richard Glenn, par exemple, lorsqu'il dit que... Maintenant, il y a des nuances, évidemment, entre ce qu'une personne dit et ce qui, disons, pourrait être la réalité. Lorsqu'une personne... De toute façon, le phosphore, lorsqu'il est accumulé dans le sang, ne rend pas un être fluorescent. C'est important. Le phosphore va servir surtout à la construction des os. Il va servir surtout à l'adénosine triphosphorique, par exemple, qui contient 3 phosphates, de l'oxyde de phosphore, pour créer de l'énergie chez l'homme. C'est-à-dire que plus l'homme a un potentiel énergétique dans le plan physique, plus il a de capacité à se servir de l'ATP, qui est directement relié à la présence de phosphore dans son organisme. Maintenant, plus l'homme est capable d'augmenter la vitalité de son corps physique par le biais de l'énergie vitale, donc de l'énergie éthérique planétaire, différemment, pour différencier de l'énergie éthérique supramentale, et plus l'homme est capable de faire ce genre de choses, cela normalement dénote une conscience désastralisée, contrôlée par le mental, qui peut permettre au corps physique de capter ce qu'il a besoin en forme d'énergie, de façon à opposer, et c'est important parce que dans l'évolution, le corps planétaire doit opposer une résistance équivalente à l'énergie extraplanétaire qui tend à le rejoindre. Ce que je veux dire par là, simplement, c'est ceci. Je prends un verre d'eau qui a un poids. C'est l'énergie supramentale. Je prends la table qui a une forme. C'est l'énergie planétaire, c'est l'homme planétaire. Cela veut dire le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental. Si je prends ce verre et je l'appuie sur la table doit opposer au verre la même force que le verre oppose à la table, de façon à ce que le verre ne pénètre pas dans la table et détruise la table. L'évolution, elle se fait comme ça. Quand l'homme n'est pas prêt et que l'homme entre en contact avec une force supérieure, il peut être détruit parce qu'il n'est pas capable d'opposer à la force supérieure la même énergie que celle-ci tend à opposer à l'homme pour pouvoir se freiner. Parce que le ver tend à se freiner et le ver est attiré par l'attraction même de la planète. Et si la planète n'a pas la résistance équivalente à ce qu'elle attire, la chose pénètre la planète. Et c'est la même chose pour l'homme. Lorsque l'homme attire une énergie évoluée, l'homme doit avoir l'attraction pour l'attirer et avoir suffisamment d'énergie pour opposer une résistance de façon à freiner la chose. Et c'est pourquoi on dit souvent que l'homme n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, pas dans son orgueil. Dans son orgueil, il est toujours prêt. Et c'est d'ailleurs ce qui le rend le plus inapte à recevoir, disons, de l'énergie supérieure. L'homme attire comme la table attire, ou comme la planète Terre attire, et lorsque quelque chose arrive sur le sable ou sur la Terre qui attire doit maintenant opposer la même résistance pour pas que la chose la pénètre et la démolisse. Lorsqu'une personne, dans son évolution mentale, par exemple, ou dans son évolution reliée ou ajustée par l'ajusteur de pensée, donc dans son évolution supramentale, reçoit de l'énergie, disons, du plan extraplanétaire, elle doit opposer la même résistance. Pour opposer cette résistance, elle doit avoir des véhicules, et surtout un véhicule physique, qui aura suffisamment d'énergie en lui pour pouvoir soutenir le poids du plan vital, qui soutient le poids du plan astral, qui soutient le poids du plan mental, qui, lui, soutient le poids du plan supramental. Parce que si le corps physique n'est pas apte et que tous les autres corps sont aptes, le corps physique est détruit. Et souvent, l'homme oublie de faire travailler le corps physique. Bon. Lorsqu'une personne... Alors, c'est deux guides de lumière. Donc, l'homme du Verseau comme les guides de lumière, disons, de Mgr Schaffner. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement ceci. C'est qu'ils ont suffisamment de puissance mentale pour pouvoir désassujettir le corps physique du plan astral et le corps vital. De cette façon, ils peuvent conserver beaucoup plus d'énergie potentiellement active, c'est-à-dire que ce sera de l'énergie qui, dans le plan physique, va être accumulée au niveau de l'adénosine triphosphosique, qui peut après ça être transformée en ADP et en AMP, disons que je pensais les mécanismes, disons, chimio-biologiques. Et lorsqu'une personne a suffisamment de cette énergie physique pour pouvoir soutenir le plan vital, il y a de fortes possibilités que juste au plan physique, parce qu'il faut bien comprendre que l'ATP se trouve dans chaque cellule et que le phosphore est un constituant de l'ATP. Donc, chaque cellule peut finir, à un moment donné, par transmettre un rayonnement minime qui va transparaître lorsqu'on regarde un objet, on a une aura vitale. Lorsque la personne devient un être de lumière dans ce sens, lorsqu'elle peut opposer suffisamment de résistance à la descente d'énergie, quelle que soit cette descente, présentement, on prend l'exemple supramental, il y aura possibilité qu'une troisième aura plus proche de la peau vienne apparaître, l'aura créée par la fluorescence, c'est-à-dire par la phosphorescence, de chaque molécule d'ATP, et on aura donc un halo très faible qui va entourer le corps et qui va être extrêmement éclairant, lumineux. Bon, mais est-ce qu'il y a une relation entre la faculté de stocker simplement du phosphore et un développement spirituel? Alors, il faut bien comprendre que lorsque l'homme ne fait que stocker du phosphore, s'il est stocké ailleurs que dans l'ATP, la personne risque de souffrir à un moment donné d'un surplus de phosphore. Donc, cela risque de nuire. Normalement, le corps l'élimine. Si le phosphore est maintenu dans le sang, cela ne sert à rien au corps. Mais est-ce que c'est un mécanisme volontaire? Bon. Est-ce que la personne fait agir sa volonté ou sa connaissance de ces mécanismes-là de retention du phosphore? Ou non. Bien est-ce que c'est accidentel, un processus chimique qui est incontrôlé par la personne? C'est-à-dire que si nous parlons des guides de lumière de Mgr Schaffner, c'est quelque chose qui est maintenant sous le... Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de contrôle, ce n'est pas parce que tu réussis à avoir plus de phosphore dans le corps qu'automatiquement tu peux opposer... Parce qu'il faut bien comprendre que l'évolution... On parle d'évolution spirituelle, mais l'évolution supramentale aussi, l'évolution conscientisée, se fait non pas juste dans le plan physique. Alors, évidemment, tu peux avoir un corps physique qui peut soutenir une masse incroyable d'énergie supramentale. Maintenant, est-ce que le plan vital le peut? Est-ce que le plan astral le peut? Est-ce que le mental est suffisamment constitué pour entrer en communication avec l'ajusteur de pensée? C'est autre chose. Donc, une personne qui, par exemple, se nourrit immensément de phosphore n'évolue pas pour autant. Parce qu'elle doit avoir les capacités de créer cet ATP, de remétaboliser l'ATP lorsqu'elle s'en sert. Elle doit avoir de l'oxygène, elle doit avoir une perméabilité sélective de la membrane cytoplasmique suffisamment avancée pour que les échanges se fassent rapidement. Donc, c'est une mutation complète du corps physique. Ce n'est pas parce qu'une personne se nourrit de phosphore qu'elle va être un être de lumière à un moment donné. Ou si elle en est un, ce sera un être phosphorescent, mais ça n'aura rien à voir avec le guide de lumière. Alors, il faut bien comprendre, il y a une différenciation. Donc, cette phosphorescence-là ne garantit pas du tout le sommet de la communication, je veux dire, la valeur de l'information qui est communiquée, ça n'a aucun rapport, ça. Exactement. C'est comme si on prend, par exemple, le potassium qui va être utile dans le rythme cardiaque. Ou prenons, par exemple, juste l'insuline. Alors, c'est extrêmement gentil pour une personne de pouvoir sécréter de l'insuline de façon à ce qu'elle ne soit pas diabétique. Elle doit sécréter de l'insuline et du glucagon pour contrebalancer l'excès de l'un et de l'autre. Mais lorsqu'une personne n'en sécrète pas, si tu lui en donnes et qu'elle n'a pas la possibilité de l'assimiler, ça ne lui sert à rien. Alors, c'est la même chose pour le phosphore, c'est la même chose pour... on parle de symptômes d'évolution. Si ton guide... Moi, j'ai expliqué simplement, disons, atomiquement, moléculairement et cellulairement ce qu'il se passait chez un guide de lumière... De l'ordre, disons, de Mgr Schaffner. Oui, et puis aussi pour celui de la supposition ou l'hypothèse de Richard Glenn. Que Richard Glenn se rapproche énormément d'une chose correcte, sauf que ce n'est pas parce que l'homme présentement stocke plus de phosphore que l'homme va devenir un être lumineux. Si l'homme devient un être lumineux, c'est exactement comme si on disait « va te faire irradier, tu vas être luminescent la nuit ». Oui, mais tu es en train de pourrir. Bon, mais alors on rejette ça. On le rejette. Ce n'est pas nécessaire de continuer là-dessus si ça n'a pas de rapport avec ce qu'on veut cerner, là, le guide de lumière au niveau de la connaissance. Non, ce n'est pas parce que l'homme accumule du phosphore que l'homme devient un être illuminé. Alors on élimine. Lumineux peut-être, mais pas illuminé. OK, on élimine ce guide de lumière, là. Alors, le guide de lumière, disons, de Mgr Schaffner a une raison d'être, il a une potentialité d'existence parce que c'est l'apanage d'un être humain qui est capable d'offrir suffisamment de puissance physique. Donc, il n'a plus de maladie, il y a plusieurs phénomènes qui vont disparaître pour pouvoir résister à l'assaut et je dis bien à l'assaut, d'énergie supérieure à l'être humain qui reçoit. Celui-ci peut devenir un flambeau dans la nuit pour diriger des êtres. Mais au sens symbolique, parce que ce ne sont pas des gens phosphorescents. Ils n'ont aucune particularité au niveau physique. Non. Par contre, une personne qui voit l'aura va voir une troisième aura, c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'aura, on va voir l'aura vitale, l'aura astrale, mais là, tu vas voir l'aura physique, l'aura vitale, l'aura astrale. Alors, ils sont détectables par des médiums seulement, ces gens-là. Par des médiums et par certains appareils électriques qu'on a, oui. Maintenant, lorsque l'on parle de guide de lumière, on parle toujours de guide de connaissance. Comme tout à l'heure, on parlait du phare, c'est-à-dire que dans la nuit, il devient un flambeau, d'une façon symbolique. Il a la connaissance, il a la possibilité du moins de recevoir de la connaissance parce qu'il est capable de ne pas éclater lorsque la connaissance descend. Normalement, lorsqu'une personne a suffisamment de puissance pour recevoir cette connaissance sans éclater, elle a aussi le contrôle sur sa psychologie astrale. Donc, normalement, elle ne colore plus. Maintenant, elle va communiquer d'être humain à être humain par l'intermédiaire non pas du phénomène télépathie, parce que l'autre n'a pas le potentiel d'évolution suffisant, et l'on sait que seule la télépathie permet une communication sans coloration. Ces êtres de lumière-là instruisent par le biais d'écoles ésotériques qu'ils ont formées sur la planète. Exactement. Alors, par le biais de la parole, par exemple, par le biais d'écoles ésotériques, c'est quasiment exclusivement par la parole. Et ils vont... Donc, dynamiser des personnes aussi à instruire et à enseigner. Ce sont des guides de lumière qui vont former différentes écoles que l'on connaît et qui peuvent former aussi des sectes ou même des religions. Est-ce que cette fonction-là a une valeur à tes yeux? Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces guides de lumière? Est-ce qu'on leur met l'estampille Daniel Kemp sur le front, accepté ou bien refusé? Bon, alors je ne réponds pas à cela. Vous répondrez vous-même. De toute façon, on va de façon suffisamment bien détournée ce soir répondre à cette question, mais je ne veux pas répondre directement étant donné que je ne veux pas que mon jugement serve de jugement pour tout le monde. Alors, on va expliquer différents mécanismes pour donner suffisamment d'éléments pour que la personne puisse elle-même, à partir de là, comprendre et juger. Et si elle juge d'une façon qui pourrait paraître erronée, donc qu'elle accepte ou qu'elle le refuse, disons apparemment erronée, c'est qu'elle est dans un état d'énergie où elle a sans doute besoin de ce guide. Bon, alors on les met en stand-by. Ou elle n'a pas besoin de ce guide. On les met en stand-by. Exactement. En attendant. Bon. Le concept des guides de lumière des hindous au niveau ésotérique, de la hiérarchie spirituelle, là, donc, qui dirige l'évolution de la Terre, au sommet de cette hiérarchie-là, il y a le Sanat Kumara, l'ancien des jours, un corps physique, semble-t-il, mais très lumineux, proche de l'éther ou de... Parce qu'il a énormément d'énergie vitale, son corps lumineux, son corps physique est à peu près inexistant. Par contre, il a suffisamment de densité pour pouvoir être touché ou bouger les choses, mais à peine. Alors, il peut même le dématérialiser suffisamment pour traverser des obstacles naturels. Alors, c'est un corps vital que l'on perçoit, un corps vital extrêmement dense, donc supérieur en subtilité au corps physique, mais suffisamment dense pour réellement être un rayonnement lumineux. On le dit immortel, ce Sanat Kumara. Il ne peut pas mourir, pour la simple raison qu'il a suffisamment d'énergie vitale. Maintenant, il faut bien comprendre que ses maîtres et cet ancien des jours qui reste, par exemple, à Shambhala, et on a à Shambhala, on a à Lagartha, et on a aussi une troisième sortie de ce centre de la Terre. Et on a les maîtres qui vivent présentement à Shambhala et qui sont régis par l'Ancien des Jours. Dans cette région de Shambhala, sont des personnes qui sont pour la majorité immortelles, lorsque nous parlons de maîtres. Maintenant, ils vont être servis, c'est-à-dire qu'ils vont avoir sous leurs ordres différents disciples plus ou moins lumineux et plus ou moins obscurs. Plus on va vers Lagartha, plus c'est obscur d'ailleurs. Et on aura une servitude de ce genre d'être humain et certains de ceux-là vont mourir, mais peuvent aussi emporter leur corps à leur mort. Ce qui est un phénomène qui n'est pas encore connu ici, qui est relativement bien connu au Tibet, où la personne, lorsqu'elle meurt, son corps ne pourrit pas parce qu'il a suffisamment d'énergie vitale pour être conservé. La personne, dans le plan des morts, peut régler certaines choses pour ne plus mourir et elle vient rechercher son corps, disons qu'elle le réénergise pour en faire un corps plus ou moins vital, exactement comme l'Ancien des Jours, et cette personne a elle aussi un corps lumineux. Parce qu'il faut bien comprendre que au Tibet, on ne parle pas juste d'une personne au corps lumineux, on parle aussi de différents autres maîtres au corps lumineux. Maintenant, ces personnes sont des guides de lumière. Ce sont des guides de lumière qui ont deux fonctions planétaires. La première fonction planétaire est d'empêcher l'évolution. La majorité vont être stagnants au niveau de Lagartha. Ils vont travailler en collaboration avec le priori de Sion, et c'est des choses que nous allons sur lesquelles nous allons revenir beaucoup plus tard. L'autre fonction de ces guides de lumière va être de pousser l'évolution de l'humanité. Maintenant, ces deux maîtres fonctionnent en collaboration, et ils sont régis par une autre entité qui est connue sous le nom du comte de Saint-Germain. Bon, mais pour en revenir aux deux premières, c'est donc qu'il y a un pôle positif et un pôle négatif. Exactement. Parce que lorsque l'on contrôle le mal, je vais vous donner un exemple. Vous avez une rue qui traverse un village. Et dans ce village, il y a un bordel d'un côté de la rue. Où on vend de la boisson, où on fait tout. Et de l'autre côté de la rue, il y a un cinéma. Où on fait passer des films comme Gandhi. Où on fait passer des films qui prônent tout à fait l'inverse du bordel, de la boisson, des meurtres de l'autre côté. Et le propriétaire du bordel, c'est le même que celui qui a le cinéma. C'est ça. Pôle positif et négatif, mais... Comment pouvons-nous contrôler l'homme si on ne contrôle pas ce qu'il y a de mauvais en lui puis ce qu'il y a de bon en lui? Alors, le maire du village à qui appartiennent ces deux édifices contrôle totalement le village parce que lorsqu'il y a, par exemple, un conflit violent dans le village, c'est parce qu'il l'a créé, parce qu'il a diminué un peu du côté du cinéma, il a augmenté un peu sa boisson et la publicité l'autre bord, il crée des choses, l'homme s'instruit, il diminue ceci, il monte l'autre côté, l'homme se pacifie, l'homme assimile, il le recrée. Et lorsque l'on contrôle le bien et le mal chez l'homme, on contrôle l'homme. Bon. Et ça aussi, on va réexpliquer sans doute la semaine prochaine. Tu dis que le maire de ce village, c'est le comte de Saint-Germain. C'est un grand maire. Maintenant, il y a une chose qu'il faut aussi arriver à comprendre au niveau de ces guides de lumière, de Shambhala et de Lagartha, c'est que ceux qui nuisent à l'évolution de l'homme nuisent présentement parce que certains hommes sont rendus au même niveau qu'eux autres. Et ils tentent de nuire à ceux-là. Et presque la majorité de l'humanité, présentement, est arrivée à un point qui est similaire à certains de ces maîtres qui sont dans ces entrailles de la planète. Et ceux-ci tentent de rallier ces êtres humains à leur cause, c'est-à-dire renforcer leur égrégore énergétique de façon à pouvoir attirer une énergie supérieure, de façon à se faire libérer. Alors, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire que ces personnages ont une... Disons qu'ils ont eu une évolution qui a été fracassante. Ils ont évolué plus rapidement que l'humanité. Maintenant, énergétiquement, au plan planétaire, à cette époque, il manquait de certaines choses. Alors, premièrement, les énergies supplémentaires ne couraient pas sur la planète. Il n'y avait rien planétairement qui les attirait. Et ces personnes sont arrivées à un point où ils ont pu, par l'exercice de certaines pratiques, faire fusionner leur corps. Cela a créé des maîtres qui, présentement, ont une entité énergétique différente de celle de l'homme. L'homme peut attirer l'énergie supramentale, mais ses maîtres ne le peuvent pas. Ses maîtres ont besoin de ramasser suffisamment de potentiel énergétique autour d'eux pour devenir une puissance énergisante pour pouvoir attirer l'énergie supramentale. Alors, ses maîtres sont obligés de faire évoluer la race humaine le plus rapidement possible pour que ceux-ci puissent devenir à leur niveau et devenir des maîtres. Mais lorsque l'homme arrive à ce niveau-là, et après le passage du Nazaréen, entre autres, où on a eu une énergisation mentale planétaire suffisamment puissante pour que l'énergie de l'intelligence active arrive sur la planète Terre, l'énergie supramentale, les hommes ont eu tendance à ne pas vouloir devenir des maîtres immédiatement, c'est-à-dire à faire une fusion totale des corps planétaires, mais ils ont eu tendance à vouloir persister dans leur évolution pour pouvoir connaître l'énergie de l'intelligence active, ce qu'on peut appeler peut-être le Saint-Esprit au niveau des apôtres. Alors, ce qui arrive, c'est que rendu à ce moment-là, ces maîtres vont tout faire pour que le corps des hommes fusionne, de façon à ce qu'on grossisse le centre de l'énergie évoluante. Maintenant, donc, lorsque l'homme arrive à ce niveau, ses maîtres les ont aidés et maintenant, ses maîtres font tout pour qu'ils n'évoluent plus. Ceux-là vont faire partie des forces évoluantes planétaires pour l'instant. Et on a d'autres entités, comme l'Ancien des Jours, qui vont faire partie des forces évoluantes pour l'instant encore pour l'humanité. Alors, c'est comme si tu nous disais que lorsque parmi nous, il y en a qui auraient compris, en tout cas, qui auraient des fonctions supramentales, ils seraient à ce moment-là contactés par ces guides de lumière et qui leur diraient « Viens-t'en avec nous, tu es des nôtres, prends une carte, t'as droit à une carte du parti, tu fais partie de... » Bon, disons que ça ressemble à ça. Et pas nécessairement lorsque tu as un contact supramental, souvent lorsque tu développes un phénomène mental, ou souvent lorsque tu arrives à pénétrer dans des sphères presque inaccessibles du monde spirituel de l'astral. Et là, tu es presque fin prêt énergétiquement. Ce n'est pas au niveau de ta compréhension. La compréhension, c'est une expression. Mais c'est surtout au niveau énergétique. Et lorsque tu arrives à un certain niveau, on va créer d'ailleurs des écoles pour ramasser ce monde de façon à créer un égrégore qui va pouvoir soutenir des choses. Parce que l'égrégore, et encore une fois, on va revenir sur cette forme de création humaine-là la semaine prochaine, où on va voir l'homme ou le maître esclave, et on va comprendre, sans doute, de quelle façon l'homme ou de quelle façon on fait créer par l'homme des égrégores qui contiennent de l'énergie, de façon à obliger des masses à faire des choses pour le bien de quelques êtres, de quelques maîtres. Cela est utile à la masse. Parce que la masse augmente en évolution. Maintenant, elle augmente, sauf que psychologiquement, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Autrement dit, l'homme peut évoluer dans un plan physique, vital et mental, d'une façon énergisée correctement. Mais dans le plan psychologique, elle se croit de plus en plus maître. Elle croit qu'elle est égoïquement le mental, le vital et le physique, ce qui fait qu'elle s'exclut. Elle se personnalise planétairement, donc elle s'exclut du contact supramental, extraplanétaire. Donc, elle risque à un moment donné de devenir tellement elle-même planétairement qu'elle peut opérer une espèce de fusion corporelle qui n'est pas la fusion que nous abordons de temps en temps lorsque nous parlons d'un contact massif entre le plan planétaire et le plan extraplanétaire, c'est-à-dire surtout entre le plan mental et le plan supramental. Lorsque nous parlons de fusion de ces deux corps, nous ne parlons pas d'une fusion globale de l'homme. Et la fusion globale planétaire de l'homme planétaire crée un ego planétaire qui va être relégué avec les maîtres, qui sont des guides de lumière qui, je le répète, ont comme fonction, c'est-à-dire que légalement, que lorsque je parle de légalement, je parle d'une loi, comme l'eau légalement est obligée de tomber. Bon, c'est une loi. Alors, ils n'ont pas le choix. Ils sont pour se sortir de où ils sont. Ils sont immortels parce que planétairement, ils ne peuvent plus mourir, mais ils ne peuvent pas quitter le foyer planétaire. Alors, ils aident l'humanité pour que l'humanité vienne les rejoindre à un moment donné de façon à créer un potentiel énergétique suffisamment puissant pour faire éclater leur orgueil. À quoi ça sert tout ça? Alors, si c'est finalement pour faire éclater leur orgueil, explique-nous ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut simplement dire que la personnalisation de ce genre d'entité que nous appelons maître et qui effectivement maîtrise des choses que l'homme ne maîtrise pas, mais qui présentement tend à être rejoint par certaines personnes, comme on en a au Québec, ces personnes sont obligées de remplir suffisamment d'énergie autour d'eux pour finir par ne plus être une entité limitée planétaire, mais finir, du moins ils espèrent, arriver à être, à avoir un orgueil planétaire. C'est-à-dire qu'ils tentent de développer une conscience planétaire. Une conscience planétaire reliée à leur être-té présente sur la planète. Ce qui est différent d'une conscience planétaire vue par, par exemple, un point de vue supramental où tu englobes la planète. Ces êtres, leur utilité, d'ailleurs il y a une utilité qui est extrêmement évidente, c'est que si toute l'humanité rejoint les maîtres, l'évolution va se faire. Parce que ces maîtres, lorsque on aura suffisamment d'énergie au niveau de ce potentiel planétaire, excluant l'énergie supramentale, il y aura suffisamment d'énergie à l'intérieur de cet orgueil. Lorsque je parle d'orgueil, c'est de l'orgueil. Mais c'est un orgueil qui n'est pas relié à un être humain. C'est un orgueil qui n'est pas relié dans le plan psychologique. C'est une identification personnalisée d'un être qui est réel, d'un être mental, astral, vital et physique, mais qui exclut toute autre forme d'énergie de par la fusion de ses corps. Exactement comme si je te dis, le soufre n'a pas d'orgueil, le fer n'en a pas un, mets-le les deux ensemble, fais-le chauffer, si tu vas créer du sulfure de fer, qui ne peut pas être séparable. Mélange le soufre et le fer, prends un aimant, tu ramasses le fer et le soufre est séparé. Et ça, c'est l'homme évoluant, présentement, parce qu'il n'y a pas eu de fusion des corps planétaires de l'homme. Mais lorsque tu fais chauffer, lorsque tu l'amalgames, lorsque tu l'amènes en fusion et qu'il se fusionne, tu ne peux plus le séparer. Tu as donc, disons, un égo sulfure de fer qui n'est pas cassable. Tu dois pouvoir passer par différents procédés chimiques drôlement plus compliqués que de prendre un aimant pour séparer. Et ces corps ne peuvent pas entrer en résonance vibratoire avec le plan supramental. Parce que ce n'est pas du fer, ce n'est pas du soufre, c'est du sulfure de fer et chimiquement, atomiquement, énergétiquement, ce n'est pas la même chose. L'aimant n'attire pas le sulfure de fer. Et le sulfure de fer ne brûle pas. Le soufre brûle, l'aimant attire le fer. C'est pas la même chose lorsque tu as une fusion de ces corps. Bon, alors, cet orgueil-là est localisé dans la personnalité de l'individu en question. Du maître. Oui. Oui. Simplement, énergétiquement, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est planétaire, mais qui n'est pas collectivement planétaire. Alors, si tu arrives à augmenter ce potentiel, tu auras suffisamment d'attraction énergétique pour que tu puisses te dégager du plan planétaire de façon à ce que l'énergie supramentale vienne chercher ces hommes, qui seront une collectivité immense si leur plan réussit, par exemple. Et lorsque cela se fera, cela va éclater. Parce qu'ils découvriront qu'ils sont autre chose. Le soufre va réussir à être dissocié du fer pour recréer un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental. recréer l'homme et automatiquement, il sera assujetti au corps supramental. Mais présentement, il n'y a pas de corps mental, de corps astral, de corps vital, de corps physique. Il y a un amalgame de quelque chose d'autre. Et ce sont ses maîtres. C'est pourquoi ils sont différents de l'homme planétaire. C'est pourquoi ils ont des connaissances différentes, des vies immortelles. C'est pourquoi ils ont tellement une panoplie, disons, de différences avec l'homme. Parce que ce ne sont pas des hommes, disons, évoluant normalement. Je parle évidemment de certains des grands maîtres qui vivent dans la Gartha et de Shambhala. S'ils n'arrivent pas à réussir, disons, s'ils n'arrivent pas à faire en sorte que l'ensemble planétaire les rejoigne, qu'est-ce qui va se passer pour eux autres? Bien, il va simplement se passer que l'humanité va continuer à évoluer. Chaque individu, chaque collectivité va s'individualiser. Chaque individu va être lui-même. Chaque individu va avoir un contact supramental. La planète Terre va regorger d'énergie supramentale qui va de toute façon faire éclater cette sphère. Alors, autant les maîtres ont aidé l'homme à évoluer et maintenant veulent tenter de le stagner, autant l'homme va se faire sortir les maîtres du marasme. Alors que les maîtres gagnent ou que les maîtres perdent, les maîtres ne peuvent pas perdre. Et l'homme non plus. Alors, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, finalement. Oui. La seule différence qu'il y a, c'est qu'en ce qui me concerne, puis en ce qui concerne d'autres personnes, c'est que l'homme a beaucoup plus intérêt à évoluer d'une façon individuelle que d'une façon collective dirigée par un guide de lumière, pour la simple raison qu'en termes de temps, l'évolution va se faire beaucoup plus rapidement, et je parle du temps psychologique de l'homme. Alors, ce qui fait que l'homme a intérêt quand même à évoluer de son propre chef sur son bord et ne pas s'assujettir à des guides de lumière parce qu'il baigne, donc il y a une espèce de dispersion dans une collectivité énergétique où les énergies se rassemblent. Bon, autrement dit, rendons à César ce qui appartient à César, la dignité de l'homme, tu la remets, ou son évolution, entre ses propres mains. Ouais. C'est ça que tu veux dire, finalement? C'est-à-dire que l'homme a intérêt... Parce que c'est dans le cheminement, dans le mécanisme d'évolution normale de l'homme, ce qui facilite l'évolution chez l'homme. Et lorsque je parle de faciliter l'évolution chez l'homme, je parle de faciliter l'évolution dans le plan psychologique. Et si l'homme n'a pas de groupe, si l'homme n'est pas assujetti à un esprit de groupe, à un égrégore collectif d'évolution, l'homme ne souffre plus. Et lorsque l'homme ne souffre plus, l'homme est son seul maître pour évoluer. Et l'avantage qu'il a, qu'on a d'évoluer seul, on travaille en groupe, mais d'évoluer seul dans notre conscience, c'est que nous ne pouvons plus souffrir. L'homme souffre d'être seul parce que l'homme est instruit d'être en gang. C'est pour ça que l'homme souffre d'être seul. Parce qu'il est pogné par le groupe. L'homme veut être normal. L'homme veut être accepté par la gang. Mais c'est un mécanisme souffrant. Parce que là vient toute la manipulation psychologique, la coloration dans le plan de l'astral par les guides ou par les énergies, les guides d'obscurité ou n'importe quoi. Parce que l'homme n'est pas seul. Lorsque tu es seul, tu ne peux pas être coloré par une collectivité pensante. Tu ne peux pas être coloré par une vague d'idées, par une mode d'idées, d'idées évolutives comme d'idées d'habillement. Tu ne peux pas être coloré. Tu es capable, lorsqu'il se passe quelque chose, de l'envisager toi-même et de travailler toi-même dessus. Et tu auras expérimenté que tu en es capable. Tandis que présentement, l'homme a expérimenté qu'il en est incapable parce qu'on ne lui a pas laissé la chance de l'expérimenter au bout. On l'a instruit qu'il était incapable. De ce fait, l'homme se mêle avec la collectivité et on l'a instruit que la collectivité réussissait. Alors que si on regarde le travail de la collectivité, il y a beaucoup d'échecs collectifs. Je crois qu'il y en a beaucoup plus que d'échecs individuels. Bon, mais moi, je suis bien de ton avis dans le sens qu'il vaut mieux prendre notre destin en main nous-mêmes que d'attendre après l'intervention de supposés maîtres, parce que le guide de lumière, ça reste une croyance. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement. Pour moi, il n'y a pas de preuve expérimentale de leur existence, ni même de leur immortalité. C'est un fait non, de croyance. Le guide de lumière existe présentement réellement chez l'homme psychologique. Ouais, mais amène-moi-en un immortel, là, et puis de lumière, et puis etc. Là. Alors, je vais répéter. Que le guide de lumière existe présentement réellement psychologiquement, que chez l'homme psychologique. Oui. Ça, c'est d'accord avec ça. C'est évident. Le guide de lumière ne peut pas exister à l'extérieur de l'homme psychologique. Parce que l'homme psychologique est celui qui croit. C'est celui qui expérimente. C'est celui qui a peur. Donc, c'est celui qui met sa confiance dans les mains de quelque chose d'autre. Alors, même si toi, tu serais un guide de lumière, c'est-à-dire que tu es un être qui a la connaissance supramentale, qui a la connaissance bouddhique et qui a la connaissance divine. Donc, il y a deux autres plans, supérieur ou supramental. Est-ce que tu es un guide de lumière? Pour celui qui se met à genoux devant toi, oui. Et pour celui qui ne se met pas à genoux, pour celui qui peut communiquer d'homme à homme, non. Ou pour celui qui ne te croit pas, non plus. Mais le guide de lumière, ce n'est pas quelque chose, lorsque nous parlons de flambeau dans la nuit, symboliquement, ce n'est pas quelque chose qui peut être éprouvé. C'est comme de demander scientifiquement, est-ce qu'on peut prouver Dieu? Non. Par contre, la majorité des humains sont régis par Dieu. Alors donc, Dieu existe réellement. Mais dans quel plan? Dans le plan psychologique. Mais Dieu, c'est une interprétation. Tu peux avoir autant d'interprétations de ce mot-là qu'il y a d'individus sur la Terre, près c'est de 5 milliards. Pourquoi Dieu n'existe que dans le plan psychologique? Alors, le guide de lumière a réellement une existence propre. Parce que lorsqu'une personne se fait est communiquée par Dieu, il y a quelque chose qui lui parle à cette personne. Il faut faire attention parce que présentement, tu as, disons, une tendance à observer de ton point de vue et non pas du point de vue de la personne qui voit le guide de lumière. Et ouais. Ça, il y a un danger. Ah, mais ça m'est égal. J'observerai toujours de mon propre point de vue. Je ne me mettrai pas dans la peau d'un autre. J'ai assez de mal à être dans la mienne. Jamais je prendrai le point de vue d'un autre pour avoir une certitude ou une confirmation de ce que je sais. Jamais. Non, ça, non, encore une fois, c'est que tu... C'est peut-être un danger, mais je suis faite comme ça. Non, tu n'es pas faite comme ça, tu t'es faite comme ça. Je me suis faite comme ça, parfaitement. Qui est différent. Et moi, ce que je te dis simplement, c'est que, disons, d'essayer d'entrevoir la visualisation du guide de lumière d'une façon... cosmique. Je veux bien, j'accepte qu'il y ait des gens qui fonctionnent de cette façon-là, pour qui les guides de lumière existent, etc. Et ils existent. Elles existent pour eux. C'est le même Exactement. Phénomène qu'une hallucination, une vision. Elle existe pour celui qui a l'hallucination ou la vision. Il n'y a personne autour qui la voit. Non. Regarde bien. Il y a une bonne différence entre l'hallucination. Qu'est-ce qui détermine le fait qu'une personne voit une hallucination? Il y a celui qui ne la voit pas et il y a celui qui la voit. Mm-hmm. Qui a raison? Les deux. Ben exactement. Les deux. Une minute, dis rien. Les deux. C'est ce que je vais te faire dire depuis tout à l'heure. Maintenant, toi, tu me dis que c'est une hallucination, que ça n'existe pas parce que tu n'en vois pas. Et tu ne veux pas te mettre dans la peau d'un autre. C'est réel pour l'autre, mais ça ne l'est pas pour moi. Exactement. Ce qui fait que c'est réel, c'est que c'est réel. Et ce qui fait que c'est irréel, c'est que c'est irréel. C'est ça, l'ésotérique. C'est toute une question d'interprétation. De mots, de point de vue, oui. Et non pas d'interprétation. Parce que lorsque la personne voit devant d'elle un guide de lumière qui s'approche, qui vient lui parler, ce n'est pas question d'interprétation. C'est question de vision, donc de point de vue. Et moi, ce que je dis, c'est que ces guides de lumière existent réellement. Ils existent pour l'homme psychologique, dans le plan de l'astral. Ça, c'est évident que les guides de lumière n'existent pas ailleurs que dans le plan de l'astral. Si on peut avoir un être... complet dans tous les plans. S'il est un guide de lumière pour quelqu'un, c'est dans le plan de la psychologie astrale. Et il y a un danger si l'homme qui reçoit cette information-là est psychologique. Parce que exemple, Blondin, la Flèche et compagnie qui sont en train de se laisser crever parce qu'ils sont les fils de la Vierge ou je ne sais quoi, qui leur a dit « Faites la grève de la faim pour que le Vatican révèle le troisième message de Fatima bon, ». Il est là le danger. Maintenant, oui. Tu ne me verras pas, moi, faire la grève de la faim pour que le pape révèle le troisième message de Fatima. Je n'ai rien à foutre. De bon, ça. Bon, absolument. Maintenant, va voir les clercs Blondin et demande-leur si ça existe. Ah, ils sont convaincus. Ils l'ont vu. Ah, oui, c'est ça. Puis ils sont missionnés. Effectivement. Parce qu'ils ont reçu l'ordre d'un guide de lumière appelé la Vierge. Oui. Et cette Vierge, elle existe. Oui. Puis ils vont se suicider, vont Mais se elle existe dans le plan psychologique. Et cela, tu me demandais si on devait accréditer les guides ou non. J'ai pas voulu répondre et j'aimerais bien que tu répondes pas. En tout cas, la Vierge, c'en est un autre de guide de lumière, ça? La Vierge, c'en est un autre. Préparons le terrain lentement. Soyons écologiques. La semaine prochaine, on aboutit avec l'homme ou le maître esclave. Le maître esclave. Celui qui crée et qui s'agenouille devant sa créature. D'accord avec ça? Et rangeux de balustres et grenouilles de bénitier. Ouais. Exactement. Alors, ce qui fait qu'on va pousser la semaine prochaine plus loin dessus, parce que c'est très important de préparer le terrain. Il y a des choses que tu as tendance à vouloir révéler. Non, mais je suis bien d'accord avec ça, que les gens se mettent à genoux ou à plat ventre. On l'a vu chez les charismatiques, ils étaient 200 dernièrement à se traîner à plat ventre. Je suis d'accord avec ça, j'accepte ça. les visions de la Vierge et puis tout ça, c'est leur affaire. Mais la Vierge existe. Oui, dans leur psychologie à eux, dans leur psychisme, elle existe, oui. Oui. Exactement. Oui. Il y a un miroir réflecteur dans leur mental qui leur permet donc de refléter quelque chose qui existe quelque part. Ouais. Oui. Ouais. Et c'est pourquoi je te dis que ça existe. On ne peut pas dire que dans le plan psychologique de l'être humain, ce qui existe dedans n'existe pas, ça existe. Parce que lorsqu'un être humain souffre, par exemple, parce qu'il a perdu un membre cher, lorsqu'il souffre, est-ce que tu vas dire « Mais ça n'existe pas, ta souffrance ». La personne est morte. Alors, pourquoi tu souffres? La souffrance, elle n'existe pas. Moi, je ne souffre pas de perdre quelqu'un. Mais est-ce que tu peux dire à la personne, ne souffre pas, la souffrance n'existe pas? Ah, c'est il ne peut pas te la prouver scientifiquement, la souffrance. Mais par contre, il souffre. Puis il est manipulé, puis il est charrié en maudit par sa souffrance. Mais elle a la souffrance, même si elle n'existe pas. Mais elle existe dans le plan psychologique. Je suis d'accord, mais entre les deux, je préfère mon attitude à celui qui va souffrir parce qu'il y a ce conditionnement-là ou cette acceptation-là du phénomène. Bon, alors si on revient, par exemple, entre les deux, laquelle des deux situations... Parce qu'à un moment donné, on parlait du guide de lumière de demain. OK. Ouais. On va parler tout de suite du guide de lumière de demain, tiens. À 10 minutes. Parfait. Le guide de lumière de demain, c'est quoi? Mais avant, peut-être, en avais-tu d'autres à nous proposer dans l'inventaire que j'ai fait, moi? D'autres non, formes non. de manifestation? Non, parce que okay. tu as pas mal... Okay. Tu as quasiment tout baissé culotte. Alors, on va parler du guide de lumière de demain. Le guide de lumière... Bon, premièrement, on revient toujours avec notre guide de lumière qui fait que c'est un être qui est placé... On parlait de naufrageurs tout à l'heure. Au début, tu avais l'air à être pour et contre. Puis là, tu as l'air à être pour en maudit. Bon, du naufrageur. Ben, je veux dire, les phares n'ont pas que cette fonction-là de faire couler des bateaux. Non. Bon, OK. C'est là que c'est pour et contre. Oui, mais par contre, présentement, ce genre de guide de lumière a presque exclusivement comme fonction, ou comme résultat, on a presque... Oui, je suis d'accord bon. Là-dessus. Si on met notre destin entre les mains de n'importe quoi, oui, c'est dangereux, c'est naufrageur, oui. Bon, alors maintenant, moi, on va apprendre à mettre nos mains... remettre notre destin dans les mains des guides de lumière de demain. Ouais, vas-y toujours. Vas-y toujours. Lorsque je parle du point de vue, qu'est-ce que c'est le point de vue? Bon, présentement, disons François est sceptique sur les guides de lumière de demain. Ben, je suis sceptique sur tout, c'est pas difficile. Parce qu'il observe d'un point de vue particulier. Et après, il va dire, il va changer d'opinion et il va dire, je joue sur les mots. Allez voir. Le guide de lumière de demain, c'est celui, et c'est important, très important, le guide de lumière de demain, donc de l'homme du de l'ère du Verseau, ça va être l'être qui aura exactement la même possibilité apparente de connaissance des guides de lumière du plan astral que nous connaissons présentement. Cela veut dire que c'est un être qui, lorsqu'on lui pose une question, il a normalement une réponse, qui fait du sens. Il est capable d'ajuster sa réponse à l'être qui pose la question. Donc, il aurait la possibilité de se créer des disciples, donc de devenir le guide de lumière. Le guide de lumière de demain va être totalement matériel. Il aura un corps de chair qui ne sera pas lumineux, ni phosphorescent. Il aura un corps de chair, il aura un plan vital, il aura un plan psychologique comme l'homme, il aura un plan mental, sauf que le plan mental ne sera pas coloré par le plan de l'astral. Donc, il sera un guide de lumière qui fera chemin à part. Cela veut dire qu'il ne sera en contact avec aucun guide de lumière. Et les guides de lumière de l'Antiquité et du présent vont venir se mettre à genoux à ses pieds. Donc, eux vont décider qu'il devient un guide de lumière. Et c'est important parce qu'il aura la faculté d'instruire le plan de l'astral, donc d'instruire les maîtres du monde. Et c'est les guides de lumière de demain. Ces guides de lumière de demain seront des hommes et des femmes comme vous, comme moi, comme François. Par contre, ils ne voudront pas et ils feront tout pour que jamais l'homme les appelle guides de lumière. Mais il y aura toujours des fous dans l'ère du Verseau pour les déifier et les appeler guides de lumière. Et lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière, j'ai déjà dit, et André Moreau a déjà dit, lorsque vous rencontrez un maître, tuez-le. Lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière de demain, de deux choses l'une, demandez-lui si c'est un guide de lumière. S'il répond oui, tuez-le. S'il répond... Tuez-le psychologiquement. OK, mais il faut le préciser quand même. On va avoir une série de procès au centre et tout. Alors, des assassinats dans quatre coins du Québec. Mais par contre, si vous rencontrez un guide de lumière qui dit non et que vous restez convaincu que c'est un guide de lumière, c'est ça un guide de lumière de demain. Et là, c'est vous que vous allez devoir tuer. C'est ça, le guide de lumière de demain. Il va en avoir des guides de lumière de demain, puis il va avoir suffisamment d'humains fous pour les déclarer guides de lumière. Et c'est le même phénomène qui va se passer dans le plan matériel, qui se passe présentement dans les sphères de l'astral, des mondes parallèles, dans le monde des morts. On voit des guides de lumière, on leur demande s'ils en sont, ils répondent oui, tuez-les. Et s'ils disent non, puis qu'on s'assujettit à se faire illuminer par la lumière, tuez-vous. Suicidez-vous pas. On parle pas du plan physique, on parle du plan psychologique. Et les guides de lumière de demain, bien, il va en avoir. Sauf qu'il va en avoir un maudit paquet dans le plan physique. Des réels, Des guides de lumière qui vont refuser d'avoir des disciples. Des guides de lumière qui vont refuser d'être divins. Des guides de lumière qui ne vont travailler qu'avec des amis. Pas avec des disciples. Avec des amis. Avec des hommes qui vont être capables de communiquer d'homme à homme. Ils vont en avoir des guides de lumière. Et ces guides de lumière de demain-là se préparent présentement. Il y en a qui sont potentiellement stagnants dans la salle. Il y en a qui sont un peu partout en province de Québec. Et une chose que je veux, pourquoi que je précise, et pourquoi d'ailleurs j'ai intitulé la conférence Les guides de lumière de demain, et pourquoi on a tout fait le charabia sur les guides présents et passés, c'est pour la simple raison qu'ils seront la même, ils auront la même force que ce que nous donnons présentement aux guides de lumière du plan astral. Ils auront la même possibilité. La seule différence, c'est qu'ils vont refuser de l'être parce qu'ils ne le sont pas. Sachez bien que l'homme qui a une potentialité d'expression ou qui a une connaissance extraordinaire, c'est un homme au même titre que l'autre, que vous autres. Et la différence, c'est vous autres qui allez la placer si vous en faites un guide de lumière. Si vous décidez de ne plus avoir besoin de comprendre, parce que lui, il comprend. Et lui, il va vous expliquer. Vous devez comprendre. Sinon, vous vous tuez de toute façon. Lorsque vous acceptez d'être guidé par un guide de lumière, vous vous tuez. Parce que l'être réel est démoli pour laisser place à un être collectif, un être psychologique qui n'a plus besoin de comprendre parce qu'il prend la main de son guide de lumière physique, puis il chemine avec. On en a quelques gourous, quelques maîtres sur la planète Terre, mais il y en a un maudit paquet présentement dans le monde de l'astral, et c'est ceux-là qui dirigent ces gourous-là. Alors, être assujetti en plus à un ange et non pas à Dieu, à apprendre les subordonnés, Ça nuit. Parce que tout à l'heure, tu en faisais, tu l'exprimais un peu, où on a un guide qui amène peut-être une connaissance parfaite, qui est colorée par celui qui le reçoit, qui instruit un autre, qui la colore, et vous êtes là. Et lorsque vous allez rencontrer un guide de lumière de demain, donc un être authentique, un être humain comme vous autres, mais qui a su se prendre en main, qui a su supporter le poids de sa connaissance, et non pas la mettre sur le dos d'un autre pour pouvoir aller en chercher de temps en temps. Parce que sachez bien qu'à un moment donné, vous allez arriver à être capable de vous exprimer, vous allez être capable de vous poser des questions et de vous répondre. Et les guides de lumière ont cette faculté. Ils savent tout. Et parce qu'ils savent tout, l'homme obscur, l'homme évoluant psychologiquement, tend à se soumettre à celui qui sait tout. Mais le fait de tout savoir ne donne rien d'autre. Parce que vous savez tout, sauf que vous ne le savez pas, ça. Il n'y a pas grande différence entre celui qui sait tout qu'il sait et celui qui sait tout qu'il ne sait pas. Et celui qui ne sait pas qu'il sait tout ne recherche pas ce savoir. Il le demande à d'autres. Et il crée des guides de lumière. Il crée des dieux. Il crée des maîtres, il crée des gourous, il crée des prêtres, il crée des religions, il crée des écoles, il crée des choses. Et lorsqu'il les a créés, il se met à genoux en avant, et ça, c'est le sujet de l'homme ou le maître esclave. Celui qui crée et qui s'agenouille et qui demande à ce qu'il a créé. Mais ça, on va revenir la semaine prochaine avec ça. Alors, que penses-tu des guides de lumière de demain? Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est moi, tu joues avec les mots. Ça, c'est pour lui faire plaisir. C'est pour te flatter un peu. C'est pour que ton orgueil monte aussi. Merci. Je sais que tu es insensible à ça. Non, je suis bien d'accord avec ça. C'est tout à fait correct. Autrement dit, ces guides de lumière-là, c'est nous. Ça peut être tout le monde avec certaines facultés qui vont faire la différence. Mais ça restera des humains. Ils ne peuvent absolument pas accepter d'être divins puisqu'il n'y a qu'une différence. C'est qu'ils vont être humains et que jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu d'humains sur la Terre. Non. Il y a eu quelque chose d'animalité, d'astralité, d'émotionnalité. Bon, ça, c'est un nouveau mot, en tout cas. Et puis, ces êtres humains-là sont nous, c'est nous, ces guides de lumière-là. Ouais. C'est nous, maintenant, à la condition qu'on ne le soit pas. Parce qu'il n'y a pas plus guide de lumière que celui qui ne veut pas l'être. Oui, mais il y a toute une période d'instruction, là, ah, aussi. Il y a une période d'instruction évidemment. Qui va se faire, bon. Alors, il n'y a pas de diplôme qui est décerné à ces premiers qui s'aventurent sur ce chemin-là. Grosse médaille. Oui, il n'y en a pas. Médaille en quoi? Ah non, évidemment. Oui. Non, mais c'est extrêmement important de juste faire un petit retour sur nos guides de lumière du plan psychologique. On en a parlé un peu. Disons que c'est un sujet qui, je crois, t'a déjà touché beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Et lorsqu'une personne découvre à un moment donné que ce dans quoi elle remet sa destinée, ce dans quoi elle remet sa foi, ce dans quoi elle remet son manque de connaissances, n'est que de la frime, et qu'elle a perdu, et qu'elle croit avoir perdu une grande partie de sa vie, évidemment, elle devient un peu frustrée de ce phénomène. Je dis pas que t'es frustré. Non, mais ce qu'il y a à l'origine de ce genre de contact chez nous, qu'est-ce qui permet ce contact-là? C'est qu'on est tous influençables d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on accepte d'être collectif. Bon. Ça, mais il faut qu'on passe par cette expérience-là, peut-être pour certains, pour justement développer un certain discernement face à ces contacts-là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça existe et c'est utile. L'homme, certains doivent passer par ce genre d'expérience, bien évidemment. Ouais, parce que c'est utile. Dans un temps. Jusqu'à temps que ça devienne nuisible. Et c'est pour ça qu'on a des maîtres qui, présentement, ont une fonction de faire évoluer l'humanité, alors qu'ils ont eu la fonction de la faire évoluer. Mais quand tu es rendu à leur niveau, ils te poursuivent et ils ne veulent pas que tu les dépasses. Ils deviennent nuisibles. Et lorsque, présentement, on a encore des maîtres, les derniers maîtres qui sont devenus maîtres, eux ont encore certaines choses à apprendre à une partie de l'humanité. Mais pas à moi. Sans doute pas à toi. Et prochainement, pas à d'autres. Et ils vont devenir des êtres d'obscurité. Ils vont tendre à faire évoluer l'homme, c'est-à-dire à l'empêcher de poursuivre son évolution. Et il n'y a pas un fichu maître, il n'y a pas un fichu guide de lumière présentement sur la planète qui peut réellement aider le peuple québécois. Il n'y en a pas. Ils peuvent leur donner l'impression d'aider, et je répète que lorsqu'un guide de lumière amène la paix, il nuit. Parce que l'homme, lorsqu'il a la paix, il se repose. Et la majorité des instructions lumineuses des guides qui veulent évoluer, faire évoluer l'homme, les amènent vers la paix. Rentrez dans ma religion, vous aurez la paix. Rentrez dans mon école, vous aurez la paix. Et ça, c'est des guides qui sont rendus à un point presque égal à l'humanité qu'ils veulent aider. Et je répète que lorsqu'on vous donne la paix, on vous donne un break. Vous évoluez plus. Alors, qu'est-ce que la signification d'un nom occulte lorsque le guide nous donne un nom occulte? Sachez premièrement que lorsqu'un guide humain vous donne un nom, lorsqu'il vous baptise, dans certains rythmes de différentes religions, il vous donne une clé. La clé, normalement, va servir l'égrégore religieux de façon à ce que celle-ci puisse vous assujettir. Elle vous permet de prier et d'énergiser l'égrégore sans jamais vous faire servir par l'égrégore. Et lorsqu'on peut employer cette clé qui est le nom pour manipuler l'égrégore, chose qu'on va voir dans les conférences qui viennent d'une façon plus en détail, comment manipuler ce que l'homme crée, on peut se servir de ce nom qui est connu de l'égrégore pour le manipuler. Lorsqu'un guide vient nous voir et nous donne un nom, il nous donne quelque chose pour lui permettre de vous assujettir. Cela veut dire que lorsqu'un guide vous donne un nom, il vous tend un hameçon. Lorsque vous mordez après, il donne un coup et c'est parfait. Lorsque vous recevez un nom d'un guide de lumière, lorsqu'on vient vous suggérer un nom, c'est simplement qu'on vient vous suggérer une vibration que vous allez porter, vibration qui est beaucoup plus en résonance avec les possibilités manipulatrices du guide. Alors, lorsque l'on reçoit un nom d'un guide de lumière, on devrait jamais accepter un nom d'un guide de lumière. C'est accepter une programmation. Exactement. Vous acceptez d'être assujetti à une forme de vibration qui est réellement entre ses mains. C'est exactement comme je vous le dis, si on vous met un hameçon, ou encore je vous amène un nom qui est un paquet de ficelles, vous les attachez après les membres et le guide vous manipule après. Bon, évidemment, pour une personne qui est depuis 15 ans assujettie à un guide de lumière ou à un nom et qui erre, par exemple, dans des mouvements où on a une panoplie de maîtres qui viennent nous visiter, maîtres d'ailleurs qui sont déchirés entre différentes organisations, et je pourrais même vous citer des organisations très connues qui se disent avoir les mêmes maîtres. Alors, par exemple, on a le Nazaréen qui est rosicrucien, qui est aussi un maître Eck, qui est, etc. Et un maître Eck ne peut pas être rosicrucien, un maître rosicrucien ne peut pas faire partie du mouvement Eck encore. Et on a les mêmes maîtres qui sont aussi, disons, déchirés dans d'autres organisations très connues ici au Québec. Alors, ce qui fait que lorsqu'on reçoit un nom, ou lorsqu'on fait juste recevoir la visite d'un guide de lumière, je vous répète et je précise la pensée, disons, de François tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, on pouvait paraître un peu... En désaccord l'un et l'autre par rapport à l'authenticité des guides de lumière ou à leur utilité. Lorsque ça fait 20 ans ou lorsque ça fait 5 ans que vous êtes dirigé par un guide de lumière, lorsque l'on vous guide, j'ai déjà dit en conférence que l'homme ne sait pas ce qu'est la paix et accepte facilement qu'on le guide vers la paix. Ce qui est une stupidité évolutive, parce que si on ne sait pas ce qu'est la paix, on ne peut pas savoir que tel guide ou tel autre nous amène vers la paix. C'est évident. Vous savez-vous c'est quoi l'évolution? Non, donc vous ne pouvez pas vous assujettir à personne qui va vous amener vers l'évolution parce que vous ne savez pas ce qu'est l'évolution. Vous ne pouvez donc pas savoir où il vous amène. Et c'est le problème de l'homme. L'homme préfère garder les yeux fermés et tenir la main de celui qui dit savoir ou qui donne des preuves apparentes de ce que c'est le savoir. Mais vu que vous ne savez pas ce qu'est le savoir, vous ne pouvez pas savoir que c'est la preuve d'un savoir ce qu'il dénote. Alors, lorsque l'on reçoit un nom d'un guide de lumière, c'est comme lorsqu'on le reçoit un nom de n'importe qui. Si à un moment donné, je vous appelle chose, vous n'aimez pas ça. Pourquoi? Parce que je vous donne une vibration qui n'est pas en harmonie avec l'être humain. Alors, si à un moment donné, je vous appelle, comme j'expliquais dans un des cours du PMC, lorsque je dis « Francine est idiote », ça touche les personnes qui portent le nom de Francine, parce que c'est la clé que je peux employer, moi, pour les manipuler. Et si je dis « François est extrêmement intelligent », il peut se sentir flatté, ça m'étonnerait dans son corps, mais un François pourrait se sentir flatté. Pourquoi? Parce que j'emploie une clé et je le manipule. Alors, lorsque dans le comble de l'astral, lorsque dans votre sommeil, éveillé ou endormi, lorsque un être vient vous voir, de toute façon, vous devez l'accepter, travailler avec lui comme un être humain, pour l'instant. Mais jamais comme étant un supérieur à l'être humain. Il n'y a pas de corps physique. Puis un être qui n'a pas de corps physique réel ne peut pas expérimenter la matière, ce qui fait que déjà là, vous êtes supérieur à lui. Et ce n'est pas parce qu'un être incorporel traverse un mur corporel qui est supérieur à vous. C'est l'idée qu'on a. Mais sachez bien que par votre pensée, vous traversez les murs, par votre émotion, vous traversez les murs, votre énergie vitale traverse les murs, et il y a votre corps physique qui ne traverse pas le mur et lui n'en a pas. Alors, vous, il n'est pas supérieur à vous. Et même si une personne arrive à un moment donné et répare votre automobile, j'ai déjà dit avec que l'homme ne va pas se mettre à genoux devant son mécanicien parce qu'il vient de réparer son char, c'est la même chose, l'homme se met à genoux par contre devant un magnétiseur qui répare son corps. Ou devant une entité incorporelle, astrale, qui vient lui donner quelques remèdes par l'intermédiaire d'un sommeil hypnotique, par exemple, qui vient lui donner des moyens de guérir son corps physique. Alors, lorsque le guide vient vous voir, il n'y a pas de guide qui vale, vous devez vous-même vous guider. Et évidemment, c'est compliqué de se guider, parce qu'on ne sait pas où aller. Mais lorsqu'on se tient avec un guide, est-ce qu'on sait où on va? On sait où aller avec le guide. Mais est-ce qu'on sait où on va? On ne sait pas. Alors, quelle est la différence entre savoir où aller et puis savoir où on va? Il n'y en a pas. Sauf qu'il y en a un qui est sécurisant. Je sais où je m'en vais avec lui. Lui, il sait où est-ce qu'on va. Mais toi, tu le sais-tu? Non, non, mais lui, il sait. Qu'est-ce que tu en sais? Rien. Sa confiance. C'est ça qui est le problème. Et lorsqu'un guide vient en plus vous donner un nom, mettez-le où je pense, non. Dans la poubelle. Son cochon, hein? Ils ont pensé à d'autres choses. Bon. Dans la voie du juste milieu. Exactement, oui. Tu peux la suivre avec ton doigt entre les deux. Là où le dos personne. L'appendice charnu, puis ton doigt, il atterrit là où doit aller le nom. Exactement. Alors, ce qui fait que, et évidemment, c'est toujours un peu souffrant pour une personne. Tout à l'heure, je répétais que l'homme qui vit seul souffre parce qu'il est habitué à vivre en collectivité. Alors, c'est encore souffrant pour une personne de devoir se prendre en main lorsqu'elle a passé sa vie à se laisser prendre en main. Moi, je dis des choses. Des choses qui ont une certaine forme d'énergie, une certaine forme d'allure, disons. Mais ceux qui croient ce que je dis et qui ne comprennent pas ce que je dis font de moi un guide de lumière. Et je ne suis pas un guide de lumière. Je suis mon propre guide. Je suis mon seul maître. Mais je ne suis pas le maître de personne d'autre. Alors, vous devez, pour n'importe quel mécanisme, et encore bien plus si ça n'a pas de corps. Si ça a un corps, c'est pas trop stable. C'est plus trop stable, mais c'est pas trop stable. Si ça a un corps, on ne fait pas confiance. Mais par contre, c'est un être qui expérimente, comme nous autres. On est au moins sûr qu'on est capable, par les mécanismes que l'on connaît, de percevoir les failles de l'être. Mais dans le plan de l'astral, lorsqu'on est des êtres qui faisons confiance à l'astral, on ne peut pas percevoir les failles de l'astral. On ne peut pas les voir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les voir. L'être vient et on est premièrement, regardez bien, juste l'ego. Combien serait flatté ici d'être visité par un maître de la Lagartha cette nuit? Un bon nombre. De ce fait, tout ce qui est faille, il ne le verrait pas. Et les mécanismes, de toute façon, vous ne pouvez pas présentement voir l'astral comme il est. Parce que si vous le verriez comme il est, premièrement, il ne vous ferait pas peur. Hein? Et dans l'astral, on a des choses diaboliques qui font peur à l'homme. Et deuxièmement, vous ne pourriez pas mettre votre confiance dedans parce que vous verriez l'astral comme il est. une chose, disons, informe, difforme, qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas même pas de conscience d'être-té réel, qui a une conscience d'être-té que lorsqu'elle s'attache à un être humain, mais qui n'a pas de conscience d'être-té propre sans l'être humain. C'est quelque chose totalement assujetti à l'homme et qui tient à instruire l'homme que l'homme est assujetti à ça. Et ça, c'est complètement... C'est débile, c'est démoniaque, c'est les démons qui font ça. Alors, lorsqu'un guide vient vous voir, premièrement, il y a déjà une lacune. Il y a un têteux d'énergie, une sensue, un vampire de l'astral qui vient vous voir. Et quel que soit son nom. Et lorsque vous connaissez son nom, ben vous pouvez le manipuler. Mais lorsqu'il connaît votre nom, il vous manipule. Puis lorsqu'il vous en donne un, c'est encore bien pire. Alors, lorsque le vampire vient vous voir, pourquoi? Pour essayer d'avoir un peu de cette substance qui est l'identification. Certains êtres ne savent même pas qu'ils vivent. Pour se sentir vivants, ils doivent donner des ordres. Ils doivent souffrir, ils doivent être dans la guerre, comme Rambo. Ils doivent se marier et divorcer. Ils doivent avoir des enfants. Ils doivent avoir une auto, là, ils vivent. Mais l'astral, c'est la même chose. Pour qu'elle ait l'impression d'être, elle doit assujettir l'homme. Et elle va venir voir l'homme d'une façon propice à ce que l'homme l'accepte. Elle va venir voir l'homme évoluant comme un maître. Elle va venir voir l'homme satanique comme le diable. Elle va venir voir l'homme avare comme quelque chose qui amène de l'argent. Elle va venir se placer devant l'homme de façon à ce que l'homme l'accepte. Et lorsque l'homme recherche la paix, c'est la paix qui vient à l'homme. Et ça, c'est mortellement dangereux. Parce que lorsque l'homme a la paix, vous voulez vivre en campagne, avoir des petites vaches, les traire de temps en temps, les petites poules qui pondent les œufs, c'est meilleur pour la santé, puis un petit blé qui pousse, merveilleux. Sachez que dans chaque paradis, il y a un enfer. Puis on le sait. Parce que les îles paradisiaques de Polynésie font que tu ne peux pas manger là. Il n'y a pas assez de stuff. Quand tu vois une jungle extraordinaire, il y a des serpents venimeux. Quand tu vois au Québec, l'automne, merveilleux, l'hiver s'en vient. Et c'est toujours comme ça. Et c'est la même chose dans les paradis de l'astral où il y a l'enfer dedans. C'est la même chose. Et lorsque tu as ta campagne, tu as gagné 1 000 000 $, tu t'assois sur tes lauriers, tu fais de la peinture, tu penses, tu t'exprimes. Tu n'évolues plus. Quelle expérience réelle peut arriver à te changer? La perte de ton argent, ou la perte de tes amis, ou des choses comme ça. Mais si t'as la paix, t'évolues plus. Ça veut pas dire que l'homme doit rechercher la guerre, mais ça veut dire que l'homme doit rechercher la vie. Puis la paix plate que l'on connaît, elle sait qu'il y en a qui s'imaginent que la même paix, ça se trouve au ciel, et qu'ils veulent pas mourir. Jouer de la harpe, constamment sans nuages, puis flasher de temps en temps pour arroser l'herbe du voisin. Ça marche pas. Ben c'est ça. Et les guides de lumière viennent vous voir pour ça. Lorsqu'un guide vient... Vous devez lui demander de s'en aller. Et c'est toujours vous autres qui allez devoir ordonner ces choses. Parce que s'ils ne vous écoutent pas et que vous les écoutez, ce sont des réels guides de lumière. Des vrais. Et vous êtes des vrais disciples de guides de lumière. Ce que dans ton langage, tu pourrais appeler des esclaves. Mais c'est toute forme d'influence qui doit être bannie, n'importe quelle, mais ça, c'est la plus subtile de ce plan-là. C'est la plus subtile. Une autre question... Est-ce que quelqu'un qui a pris de la drogue peut avoir des chances de se conscientiser assez dans cette vie ou s'il est bloqué à un certain niveau? Bon. Il faut premièrement savoir qu'il y a des choses qui nuisent l'évolution et qu'il y a des choses qui aident l'évolution. La chose qui nuit l'évolution, c'est il y en a un peu dans le plan physique, un peu dans le plan vital. Il y en a plein, mais tout plein dans le plan astral, puis il n'y en a presque pas dans le plan mental. Alors, une personne qui prend de la drogue dépendant des drogues, lorsqu'elle en prend, cela a des atteintes sur le plan physique. Pas tous. Cela a des atteintes sur le plan vital. Tous. Cela a aussi des atteintes sur le plan psychologique. Astral. Tous. C'est pour ça qu'on prend la drogue. Et quand on parle d'atteintes sur le plan physique, presque pas tous. Presque tous. C'est pour ça qu'on en prend. On en a besoin. Et remarquez bien que lorsque la personne prend de la drogue, elle a évidemment, apparemment, elle a un handicap à son évolution. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que la personne qui est dans telle religion bâtarde, une secte où ce qu'ils ont 15 disciples, puis qui vendent des salamandres puis des grenouilles pour pouvoir rejoindre leur dieu, on va dire ceux-là, lequel est le plus mal pris? Celui qui se drogue ou celui qui est dans un culte qui n'est pas réel, un culte qui est inefficace? Celui qui se drogue a la possibilité d'arrêter de se droguer. Il est manipulé, parce que le corps physique en veut, le corps vital en veut, le corps psychologique en veut. La drogue, elle amène la personne dans un plan de l'astral, souvent, où on lui donne de la paix. C'est ça qu'on se drogue. Et le bad trip, la personne, lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle revient, c'est pas ça qu'elle recherche. On se drogue pas pour souffrir en revenant. on se drogue pour la paix qu'il y a avant. Et dans chaque paradis, son enfer. Une personne qui cesse de se droguer, elle va évidemment avoir un vécu qui va, c'est-à-dire son vécu passé, son vécu antécédent va l'aider parce que même si apparemment cela nuit, la personne expérimente quelque chose qui aide. Parce que cela instruit l'astral, cela permet, comme tout à l'heure tu disais à une personne, si tu ne veux pas l'expérimenter, va voir ceux qui l'ont expérimenté, observe énergétiquement ce qu'ils disent, puis tu peux arriver à comprendre, à vivre. Sans l'expérimenter, l'expérience par laquelle ils sont passés. Alors, le drogué est utile. Ça ne veut pas dire qu'il faut se droguer. Mais celui qui l'a fait, c'est pas perdu. Est-ce qu'il a la possibilité de se conscientiser? Ben, autant que n'importe qui. Puis je vous dis qu'une personne qui passe 20 ans dans un trou psychologique a bien plus de problèmes qu'une personne qui passe 20 ans dans un trou physique. Dans une drogue. La personne qui lâche cette drogue. On a des moyens présentement médicaux. On a des moyens qui, quand même, arrivent, qui permettent de désintoxiquer une personne. Mais on n'a pas encore beaucoup de moyens qui permettent de désintoxiquer astralement une personne. Alors, la personne qui est dans un culte, dans une croyance, où, dans cette croyance, on bannit même le doute, elle sera beaucoup plus dure à désintoxiquer qu'une personne qui a de la drogue, et parce que dans la drogue, on sait que c'est pas bon. Mais dans un culte astral incompris, on a même une énergie qui nous empêche de douter. On doit se remettre aveuglément. Et lorsqu'un aveugle se remet aveuglément entre les mains d'un aveugle, sous le boulevard métropolitain, il y a un problème. Alors, lorsque celui qui se drogue décide d'arrêter, il peut voir des choses. Dans le plan psychologique, cela peut le hanter un peu avec certaines drogues parce que la drogue donne des expériences dans le plan de l'astral. Alors, une personne qui s'est droguée, il n'y a aucun empêchement à ce qu'elle se conscientise. Elle devra faire le même cheminement que n'importe qui. Sachez qu'il y en a qui souffrent en crime parce qu'ils sont mariés, d'autres parce qu'ils ne sont pas, d'autres parce qu'ils sont drogués, d'autres parce qu'ils sont alcooliques, d'autres parce qu'ils ont perdu des choses, d'autres parce qu'ils sont reliés à des dieux qui les ont forcés à commettre des œuvres qui n'étaient pas en accord avec leur propre intelligence. Et ils le découvrent, mais ils ne peuvent pas quitter le dieu, comme celui qui découvre que son mari est un meurtrier et qu'elle ne peut pas le quitter, et vice-versa. Il y a des souffrances beaucoup plus pires que la drogue, et il y a des empêchements beaucoup plus pires dans le plan psychologique, dans le plan émotif, dans le plan de l'astral que de la drogue. Celui qui est connecté à un guide de lumière, il est bien plus drogué que celui qui est connecté avec l'héroïne. Et je dis pas ça... Tout à l'heure, je disais à François qu'il haïssait les guides de lumière. Ben, c'est vrai. Je ne demande pas de les haïr. Mais ils sont haïssables. Le guide de lumière, il est extrêmement plus dégueulasse pour l'homme que la drogue. Parce que la drogue, elle vous permet, elle vous assujettit comme le guide de lumière. Sauf qu'elle vous permet quand même d'être un peu plus individuel et de décider médicalement de vous en sortir. Ce que le guide de lumière va vous interdire. Et il y a autre chose aussi, la drogue travaille par le plan du physique pour aller chercher les plans vitaux et astraux. Par contre, le guide de lumière travaille par le plan de l'astral. C'est exactement celui-là qui veut évoluer. C'est exactement celui-là qui recherche. C'est exactement celui-là qui veut trouver. Puis quand on veut trouver, on se fait fourrer. Parce que quand on veut trouver, on s'attend à trouver à un moment donné. Puis lorsqu'on vous amène une trouvaille, on l'accepte. Dans le plan physique, avec la drogue, il n'y a pas ce mécanisme qui tend à aveugler l'homme. Alors, celui qui est drogué ou celui qui cesse de se droguer plus précisément, c'est bien évident qu'il n'y a rien qui l'empêche de se conscientiser par rapport à la drogue. Maintenant, il faut qu'il regarde dans quel chemin il évolue, dans quel plan il évolue. Parce que sachez bien que le plan psychologique, c'est lui qui va évoluer. C'est la spiritualité, c'est dans le plan de l'astral, dans le plan de la psychologie. Et l'homme évolue là-dedans. L'homme évolue là-dedans en oubliant son plan physique, son plan vital, son plan mental. Parce qu'il n'y a pas une seule fichue religion du plan psychologique, il n'y a pas un seul fichu guide de lumière qui va vous dire que vous devez comprendre. Certains vont vous dire « Tu dois comprendre que j'ai la vérité. » C'est pas ça, comprendre. Ça, c'est croire. Parce que si vous comprenez ce qu'est la vérité, vous allez comprendre que le guide dit rien. Parce que s'il y a de la vérité, il y a plein de livres, un peu partout dans toutes les bibliothèques qui n'ont de la vérité là-dedans. Lorsque l'homme se voit contraint à comprendre, ça veut dire que le guide de lumière, c'est authentique, il donne le pied derrière, puis le chasse. Coup de pied au culte. Exactement. Comme disait qui? Toi, c'est vicieux. J'ai d'autres interprétations. Parfois, au début, c'est le guide de lumière qui commence par te mettre la main au culte et puis il faut que tu finisses par lui mettre ton coup de pied au culte. Autrement dit, ça flatte toujours. Le danger, c'est que dans un contact comme ça, l'ego de la personne est toujours flatté. c'est de cette façon-là qu'on est pogné. Tu parlais de l'hameçon. On va mordre au verre parce qu'on ne verra pas l'hameçon, évidemment. Il y a un mensonge, toujours. Il y a toujours un piège. L'orgueil, on en parle souvent en conférence, que c'est ce qui dégrade le plus l'homme. L'homme qui a l'impression qu'il doit se prouver à quelque chose. Tu dois te prouver à ton guide, à ton Dieu, à ton Seigneur. C'est là qu'il nous pogne en nous donnant une mission ou bien un pouvoir, justement. Si tu me demandes quelle mission j'ai sur le plan planétaire, j'ai des missions qui sont totalement coordonnées par le plan de l'évolution cosmique planétaire. Ce n'est pas des missions que je me donne ou qu'on me donne. Quelle est la mission de l'eau? L'eau n'a pas de mission, elle a des fonctions. Une fonction ou un rôle. C'est différent. C'est parce que dans le plan, au niveau des lois qui régissent son plan d'expression, ben, elle a des possibilités. Mais lorsque l'homme, tout d'un coup, se voit affublé d'une mission, ben, il est fourré, bien raide. Parce que vous n'avez pas de mission. D'ailleurs, de toute façon, je vous le dis de temps en temps, que vous devez être suffisamment égoïste pour devenir intelligent. Parce que celui qui tend à vouloir aider les autres, gaspille son énergie vers les autres. On l'a vu dans les échanges d'énergie, on l'a vu dans un paquet de conférences. Ça fait quoi? Ce sont les 15 conférences qu'on fait. Alors, évidemment, l'ego... Ben, te faire flatter, c'est la pire menterie que tu peux percevoir du plan de l'astral. Tu es beau, tu es bon, tu me plais, tu me flattes, Dieu est content, le guide est content, le maître est content, t'as une médaille, t'as un diplôme, tu as un bonbon. Puis les bonbons, sachez bien que vous priez pendant 20 ans pour une guérison, puis vous avez un bonbon, vous guérissez. C'est un bonbon. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se guérissent parce qu'ils font de la pensée positive. Au bout de 2 ans. Là, ils vont vendre leur pensée positive, d'autres vendent leur culte, d'autres vendent la médecine légale, d'autres vendent la médecine douce. Puis il y a des guérisons partout, puis il y a des mortalités partout. On donne des bonbons à tout le monde. Puis vous faire flatter, c'est la pire des choses. De temps en temps, d'ailleurs, certains me reprochent que je ne flatte pas suffisamment à la salle. Et certaines personnes ne reviennent plus parce que je ne flatte pas. Alors, on ne peut pas dire que j'assuie tout le monde. Non, mais là aussi, il y a un temps pour chaque chose. Évidemment. Chacun. Y a-t-il des choses à l'extérieur de l'homme que l'on peut croire? Ça arrive. Mais sûr qu'il y a des choses qu'on peut croire à l'extérieur de l'homme. C'est évident. Presque tout ce qui est à l'extérieur de l'homme est crédible. Ouais. C'est vrai. C'est ça le danger, justement. Le problème, c'est d'arriver à ne pas y croire. Et ça, c'est un vaste problème. Tout est crédible. Tout. Et quand je disais tout à l'heure que le guide de lumière existe réellement, même s'il n'a pas d'existence réelle, c'est parce qu'on peut y croire. Et y croire, c'est le créer. Dans le plan de l'astral, mais c'est le créer. Il existe. Je vais ouvrir une brèche, exactement. Une possibilité. Alors, tout est crédible à l'extérieur de l'homme. Et c'est plein de choses qui sont crédibles. On peut croire à tout. Et c'est là le problème. On ne doit croire à rien. Mais ne croire à rien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit croire qu'on ne doit croire à rien? Et c'est le problème. Parce que... Qu'est-ce que c'est? Lorsque vous apprenez des choses et que plus vous en savez, moins vous en savez, qu'est-ce que c'est ce processus-là? Bien, c'est que vous croyez ce que vous savez. Mais vous ne le savez pas suffisamment pour ne pas y croire. Pour le savoir. C'est ça le problème. Parce que plus que j'en sais, moins j'en sais. C'est parce que plus que tu en sais, plus que tu crois que tu sais. Plus que tu crois ce savoir. Et lorsque tu crois ce savoir, tu ne sais pas. Lorsque tu crois que tu ne dois croire à rien, ben tu crois. Fait que t'es fait. C'est ça qui est le problème. Vous devez arriver à ne plus croire. Cela veut dire que je ne crois pas que je ne devrais pas croire. Et je ne crois pas que je devrais croire. C'est ça que ça veut dire. Et lorsqu'on arrive à ne plus croire, c'est comme lorsqu'on parle du doute, douter. Il faut douter de tout. Même du doute. Cela veut dire qu'à un moment donné, vous allez développer une attitude qui le reflète d'un état d'énergie particulier à l'être qui se conscientise. Vous savez, et vous savez que vous savez. Et lorsque vous discernez ce que vous savez de ce que vous ne savez pas, ce que vous croyez ou ce que vous ne croyez pas, vous pouvez facilement, sans souffrance, assumer votre savoir. Mais tant que vous êtes assujetti à croire Je ne crois rien. Crois-tu que tu fais bien? Oui. Tu crois à quelque chose. Et tant que tu crois à cette chose, tu ne peux pas arriver à parler, par exemple, comme moi. Tu ne peux pas arriver à t'assumer. Parce que tu es toujours assujetti à une croyance qui te fait peur. Parce que lorsqu'on croit, bien, on sait fondamentalement qu'un jour, on va devoir ouvrir la porte pour aller voir. Et on risque de découvrir, c'est ce qui nous fait peur, qu'on s'est trompé. De ce fait, lorsqu'on croit, on ne veut pas vérifier. Croyez-vous en Dieu? Oui. Êtes-vous prêt à expérimenter Dieu, même si on risque de le perdre? Bien, je connais des millions de croyants qui vont dire non. On n'est pas prêt à expérimenter Dieu au risque de le perdre parce qu'on sait qu'il existe. Mais si tu sais qu'il existe, pourquoi tu as peur de le perdre en l'expérimentant? Ce sont des dilemmes théologiques auxquels ils ne veulent pas donner substance. Ils ne veulent pas toucher à ça. Croire en quelque chose, c'est vous assujettir. Croire en moi, c'est vous fourrer. C'est vous faire avoir, mais totalement, c'est incroyable. Croire en un guide de lumière, c'est la même chose. C'est vous jeter aux poubelles. Croire en vous, c'est de la stupidité. Certaines personnes vont dire on doit avoir confiance en soi. Savoir ce que l'on peut faire, c'est une chose. C'est de l'intelligence. Pas de la confiance en soi, c'est de l'intelligence. Connaître notre possibilité d'intégration, c'est pas de la confiance en soi, c'est de l'intelligence. Et avoir confiance en soi, c'est de la croyance. C'est une flatterie qui vient de l'ego pour se flatter lui-même. Moi, j'ai pas besoin de me motiver pour faire quelque chose. Je m'observe, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, et je connais ma possibilité de transformer l'un vers l'autre, ma capacité d'intégration. Sachant ça, intelligemment, je tente quelque chose parce que je connais mes probabilités de réussite ou je ne le tente pas. J'ai pas besoin de positivisme pour me dire que je suis capable d'arrêter un char qui va à 60 000 à l'heure. Je sais ce que je peux, je sais ce que je ne peux pas. Je n'ai pas confiance en moi. Celui qui a confiance en lui a aussi peur. Parce qu'il est dans l'état de croyance. Il croit. Vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous ne pouvez pas vous croire. Vous ne pouvez pas me croire. Vous ne pouvez pas croire la Bible. Vous ne pouvez pas croire la cosmogonie du ratio. Vous ne pouvez pas croire aucun conférencier. Vous ne pouvez rien croire. Et si vous ne croyez pas faire erreur, et si vous ne croyez pas faire quelque chose de bien, si vous ne croyez pas, vous n'êtes pas dans la voie du juste milieu. Bouddhique ou thaïsienne, vous êtes dans une... Donc, une voie, vous êtes dans un être-té d'intelligence, vous êtes dans une énergie d'intelligence, vous êtes dans l'état de savoir. Alors, on ne doit pas croire. Si vous croyez, cela veut dire que vous devrez expérimenter. Et si vous croyez, si vous expérimentez, vous pouvez découvrir que vous avez eu tort de croire. Ce qui fait que si vous croyez fermement, si vous avez la foi... ce qui est une croyance exagérée. Si vous avez la foi, vous risquez de ne jamais vouloir l'expérimenter pour ne pas perdre la foi. Ce qui fait que si ce que vous avez, en quoi vous placez votre foi est faux, bien vous allez rester dans le faux tout le temps, vous allez garder votre foi. Et si ce que vous croyez est vrai, vous allez être libéré. Vous n'aurez plus foi. Vous allez savoir que c'est vrai. Et savoir que c'est vrai, c'est mauditement mieux. J'ai faux citra mental. Ouais, ben tu dis, ça te réchauffera pas l'hiver non plus. Mais quand tu te découvres, quand tu y touches, quand tu l'expérimentes, ben tu peux te dire, ça n'existe pas. Fait que j'ai passé 5 ans pour rien, puis j'en ai sauvé 50 autres. Ou tu vas te dire, bon, ben j'y ai cru pendant 5 ans. Ça m'a-tu aidé à l'expérimenter? Pas tout. Tu as expérimenté quand même. Croyance, pas croyance. Maintenant, je ne crois plus, je le sais. Puis une personne qui sait est libre. Une personne qui croit savoir est emprisonnée. Une personne qui croit croire est emprisonnée. Une personne qui croit tout court, une personne qui a de la foi est emprisonnée. Alors, c'est pas des œillères comme un cheval. C'est des trucs qu'on referme complètement devant nos yeux. Et le fait de croire, c'est s'interdire de savoir. Mais croyez pas ça. Vous parlez souvent du plan physique, qu'il faut se tenir en forme. Je sais que vous donnez des cours d'arts martiaux. Mais les arts martiaux ne m'intéressent peu. Y a-t-il d'autres cours disponibles du genre? Donc, c'est une question qui s'adresse plutôt au centre de l'universalité qu'à moi-même. Ben, il y a des cours de conditionnement physique qui se donnent ici au centre avec. Alors, si la personne est intéressée, elle peut s'informer. C'est des cours de conditionnement physique qui sont légèrement ésotérisés, qui sont ajustés à l'être qui se conscientise, un peu comme le cours d'art martial. C'est pas non plus du cassage de gueule conventionnel. C'est un cours qui est très ésotérique. Alors, la personne, elle a juste à s'informer ici. Elle va avoir une réponse pour ça. Maintenant, en ce qui concerne le plan physique, ben, il est évident, je crois, que le plan physique est important parce que l'être évolue, l'être se conscientise que lorsqu'il est vivant. Et l'être est vivant dans un corps physique, et plus le corps physique est en santé, plus les possibilités d'expression des énergies supérieures sont grandes. On n'a jamais vu apparaître un maître malade, parce que premièrement, ça n'aurait pas de... Un maître peut être malade, c'est en passant, mais on n'en a pas vu, parce qu'évidemment, ça n'aurait aucune crédibilité sur la foule. Hein? Un maître a besoin de disciples. Bon, alors, il faut qu'il soit crédible. Par contre, le corps physique, une personne qui est malade se conscientise, elle évolue. Mais il n'y a aucune intelligence en regard d'un corps malade lorsque c'est le plan psychologique de l'homme qui se sert du corps pour le rendre malade. Dernièrement, voyez-vous, hier, on donnait dans le cours PMC3 une partie sur le secourisme. Parce que fondamentalement, c'est beau de vouloir aider l'être humain, mais lorsqu'on ne peut même pas le garder en vie, il y a un problème quelque part. Alors, on a une partie qui est sous secourisme et on voyait les états de choc. Les états de choc physiques. On a déjà vu les états de choc, disons, évolutifs au niveau des conférences. Ces états de choc, ce sont des états de choc physiques où le corps va lutter d'une façon monstrueuse pour se garder en vie. Alors, à un moment donné, prenons l'exemple d'un choc qui porte le nom hypovolémique par manque. Par manque de volumétrie sanguine, par exemple. Alors, une hémorragie grave ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le corps sécrète, par exemple, de l'adrénaline. Alors, je vais passer par-dessus les détails médicaux, disons, du cours. Sécrète de l'adrénaline, qui fait ceci? Qui réduit le volume des vaisseaux périphériques pour exclure le sang, expulser le sang de façon à ce qu'il y en ait plus pour le cœur, le cerveau et les poumons. Garde le corps en vie. Ce qui donne une couleur blanche. Il y aura aussi un peu de transpiration froide parce que le sang n'a pas le temps d'être expulsé par le conduit lui-même, donc il sort un peu à l'extérieur. Il y aura une accélération du rythme cardiaque pour qu'il y ait plus de pompage sanguin, de façon à ce qu'on assure la circulation. Il y aura une accélération pulmonaire, donner plus d'oxygène. Il y aura un ralentissement de la digestion pour sauver du liquide. Le rein va arrêter de fonctionner au niveau de la sécrétion d'urine pour pas qu'on ait de liquide. Il y a plusieurs choses qui vont se passer dans ce genre. Et la personne, elle va avoir peur, en plus. Et au niveau des soins d'urgence, une grande partie vient d'en rassurer le patient. Un choc cardiogénique créé par un problème cardiaque, même phénomène de défense, peur. Lorsque la psychologie, là on parle d'une défense sur une atteinte physique, mais il se trouve que lorsque vous êtes en colère, c'est exactement la même défense physique qui se met en branle pour réagir contre un choc hypovolémique du corps. Y a-t-il un choc hypovolémique du corps? Non. Pourquoi y a-t-il réaction à choc? Parce que la psychologie vient se servir du corps pour s'exprimer. Lorsque vous avez peur, cette blanc de peur, le cœur pompe, même chose, choc. Physique et réaction anti-choc physique. Y a-t-il choc physique? Non. Lorsqu'une personne reçoit une nouvelle psychologique tellement grave pour elle, selon sa conception, elle perd connaissance. Elle appelle ça un choc vagal. Choc psychogénique créé par la psychologie. Même chose, choc. Et la personne lutte contre le choc. Et en plus, non seulement elle déclenche le mécanisme de lutte contre le choc alors qu'il n'y en a pas, mais en plus elle en crée un. Qu'est-ce qu'elle fait? Ton chien vient d'avoir des chiots. Imagine-toi. Ça aurait été mieux de la chienne du voisin, mais c'est ton chien. Parce qu'elle les a légués. T'en veux pas, ça brasse mal, tu perds connaissance. Pourquoi? Parce que ta psychologie va aller innerver un nerf, le nerf vague, choc vagal, qui va ralentir le cœur suffisamment pour que tu n'aies plus assez de sang au cerveau pour que tu tombes d'un pomme. C'est brillant, la psychologie humaine. Puis la psychologie, l'astral, se sert du corps pour exprimer son évolution. Et là, le corps réagit encore une fois, et là, on a des pertes d'énergie régulières. Lorsqu'on parlait d'ATP tout à l'heure, du phosphore, mais on perd tellement d'énergie physique dans des luttes imbéciles contre des mécanismes d'expression astrale qu'on n'a pas d'énergie suffisamment dans le corps physique pour maintenir une évolution stable. L'évolution stable. Pas comme ça, là. L'évolution stable, qui n'est pas horizontale, avec de temps en temps des petites montées. Parce que l'homme monte, l'homme descend, l'homme va bien, l'homme va mal, l'homme va bien, l'homme va mal, l'homme capote, l'homme est illuminé, l'homme recapote. C'est de même que l'homme évolue. Parce que l'homme n'a pas de puissance physique ni vitale pour maintenir une évolution stable. Lorsque l'astral vient vous baigner, lorsque vous avez une manipulation du phénomène astral, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la même chose. Il vient hypothéquer l'énergie de votre corps et il la brûle. Pourquoi l'utilité d'un corps physique en santé? C'est parce que ça l'aide à maintenir l'évolution un peu plus stable. Et lorsqu'on comprend les mécanismes qui obligent notre corps à servir le plan d'expression de l'astral, bien, on arrive à couper ce contact. Mon astral a peur, tant pis pour lui. Moi, je suis relax. Mon mental est conscient, mon cœur bat bien normalement, mon pouls bien régulier, je transpire pas. Tout va bien. Puis là, il y a une affaire en avant qui fait peur. Tant pis. Pourquoi faudrait que le corps ait peur, que le corps réagisse contre une attaque qui n'existe pas, que le mental soit omnibulé, que le mental disparaisse pour laisser place à la peur chez vous et vous devenez la peur, apparemment? Bien, le corps physique, lorsqu'on l'entretient convenablement, lorsqu'on l'entretient par différents mécanismes, lorsqu'on comprend comment il marche, on arrive à comprendre. Alors, c'est évident que j'attache une importance incommensurable à la santé physique. Ça n'empêche pas un handicapé d'évoluer. On a déjà vu une conférence qu'on a faite sur l'évolution des handicapés. Ça n'empêche pas un être malade d'évoluer. Il expérimente, il apprend. Il apprend pour ne plus être malade. Comme le phénomène astral, comme les guides. Tu rencontres un guide et celui-ci va t'enseigner. Il ne te l'enseignera pas volontairement. Tu vas l'apprendre à ne pas truster les guides. Alors, le guide a une utilité. T'enseigner à ne pas se fier à lui. T'enseigner à se fier à toi et après ça, t'enseigner à ne pas te fier à toi. T'enseigner à être, à savoir. Alors, le corps physique, ça a une importance qui est capitale dans l'évolution, au niveau conditions physiques, au niveau de la santé biologique, moléculaire, minérale, donc au niveau de l'alimentation, et au niveau, évidemment, du plan vital. Alors, le corps physique, c'est évident qu'il faut qu'on l'entretienne comme les autres corps. Faire une évolution que dans le plan de l'astral, c'est comme changer la moitié d'une couche chez un enfant. Hein? Il reste toujours un peu de... Question en trois volets concernant l'organisation du village scientifique de l'avenir. Ça, c'est intéressant. On a parlé tout à l'heure du comte de Saint-Germain qui était le maire du village planétaire. Je ne serai pas le maire du village, ça. C'est à peu près ça qu'on veut savoir. Il va falloir que tu expliques un petit peu ce que c'est brièvement pour les gens qui viennent ici pour la première fois. Voilà les questions. On demande quel genre de politique vous voulez établir? Les lois seront-elles répressives? Le gouvernement sera-t-il... De qui sera composé le gouvernement et comment? Bon, premièrement, OFSA veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. C'est un projet qui est présentement en formation avec différentes personnes. Et ce projet tente d'améliorer tout ce qui existe au niveau du contexte d'évolution de l'écosystème évolutif de l'être humain. Alors, évidemment, ça paraît bien gros lorsqu'on l'explique comme cela. Maintenant, cela est faisable. Et cela est aussi échouable, mais on s'en fout. On fait l'expérience et on va apprendre dans l'expérience. Le projet OFSA, c'est la construction d'un village complet avec des maisons qui sont des dômes. On a une maquette ici. C'est donc avec tout un écosystème évolutif qui permettrait à l'homme qui vit à l'intérieur de pouvoir s'améliorer. Donc, une société qui est disons, fabriquée en fonction de l'amélioration de l'homme et non pas en fonction de la facilitation donnée à l'homme pour qu'il puisse avoir un beau passage de la naissance à la mort, ce qui est conventionnellement exprimé dans les sociétés planétaires présentement. La société, elle est hyper moderne, c'est-à-dire que la matière doit servir l'homme et non pas asservir l'homme. Donc, on a évidemment une ville qui, si un village, disons que lorsqu'une personne rentre dedans, elle va certainement avoir l'impression d'arriver sur une autre planète. Alors, le projet est suffisamment en marche. On a des maquettes grandeur, presque nature de maisons qui vont être construites cet automne ou ce printemps. Et disons qu'il y a des choses, on en parle présentement parce que ça fait plusieurs années que c'est en marche et c'est construit. Au niveau de l'éducation, le programme Maître Contrôleur qui est présentement donné ici est justement un phénomène une expérimentation qui présentement a de très bons résultats de ce qu'il va y avoir comme éducation au niveau du village. Alors, quel genre de politique vous voulez établir? Lorsque nous parlons de l'homme conséquentiel, lorsque nous parlons de l'homme nouveau, j'ai déjà expliqué que au plan de l'astral, il y avait plusieurs points de vue, mais qu'au plan du mental, il n'y avait pas de point de vue. Il y avait un point de vue. Au plan du mental relié à l'énergie supramentale, il y a un point de vue. Au plan du mental relié au plan psychologique, donc au plan de l'intellect, plusieurs points de vue. Alors, ce qui fait que lorsqu'il y a plusieurs points de vue, on est obligé d'avoir une politique. Et lorsqu'on a une politique diplomatique, comme nous avons présentement dans les pays dits civilisés, cela amène certains problèmes. Cela amène ce problème-ci. On l'a déjà élaboré un peu, je vais donc parler rapidement. Lorsque nous avons un problème massif dans la collectivité, mais que l'ensemble de la collectivité ne voit pas le problème. Alors, est-ce que le peuple va voter en faveur de l'amélioration? Non, le peuple va voter en faveur de l'involution. Et c'est toujours ce qui s'est passé. On vote dans nos systèmes politiques pour le moins pire, mais en réalité, on ne vote jamais pour l'amélioration. Alors, si j'ai besoin de 50 milliards de dollars pour régler un problème écologique qui va nuire à la société, mais que le peuple ne connaît pas ce problème, jamais je vais me faire élire si j'amène ce problème. On va élire, par contre, l'autre qui va mettre 50 millions de dollars dans la relance des emplois. Et dans 30 ans d'ici, lorsqu'on ne pourra plus respirer, là, je vais me faire élire. Mais là, c'est plus 50 milliards, ça va être 500 milliards que j'ai besoin. Et encore. Alors donc, l'idée même, c'est qu'on a présentement, disons, le programme de contrôleur. Il y a différentes personnes qui se conscientisent différemment au niveau de la province de Québec. Et lorsque le village va prendre naissance seulement, lorsqu'il y aura des êtres qui seront dans le plan mental supramental, c'est-à-dire lorsqu'on aura des hommes et des femmes et des enfants qui auront un point de vue le même. Mais pas un point de vue assujetti à l'énergisation d'un maître, l'énergisation d'un maire. Et encore moins par mois. Cela veut dire que, est-ce qu'il y a un problème? Ben, tout le monde l'entrevue à peu près en même temps et tout le monde a une solution. On discute des solutions. L'idée, c'est pas de voir ma solution se mettre en pratique. L'idée, c'est de régler le problème. Et ça, c'est déjà différent de ce que nous avons présentement, où, égrégorement parlant, nous devons faire de la propagande politique pour se faire élire, parce qu'on ne veut pas solutionner un problème, on veut avoir raison. C'est plus souvent qu'autrement. Alors, il n'y aura pas de système politique comme on le conçoit aujourd'hui. Les lois seront-elles répressives? Qu'est-ce que c'est une loi? Présentement, on a une loi qui interdit de stationner plus d'une heure devant un commerce pour laisser la chance à une autre personne de venir devant pour pouvoir acheter. Sinon, le commerçant n'arrive pas à vivre parce que les places de stationnement sont prises par le gars qui visite sa blonde, par l'employé de l'autre magasin à côté. Alors, il n'y a pas de commerce. Il y a juste les centres d'achat, par exemple, qui fonctionnent. Parce qu'ils ont une place de stationnement. Alors, on va se plaindre et on va inventer le parcomètre. Et là, on va mettre un parcomètre en avant des commerçants. Et évidemment, le monde va se plaindre un peu. Et on va mettre 50 cents. On va payer des contraventions. Ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne restes pas longtemps devant le commerçant. Tu trouves un stationnement ailleurs. Et le commerçant arrive à faire plus d'affaires. Vu qu'on n'a pas éduqué la population, on compense par une loi. Et la loi, elle a comme fonction manquer d'éduquer la population. Pourquoi avons-nous des contraventions lorsque nous roulons trop vite, lorsque nous brûlons un stop, lorsque nous roulons en état d'ébriété? Parce qu'on n'a pas éduqué. Alors, on met des lois. Et dans une société qui ne fait pas attention à l'éducation collective, l'éducation éco-sociale, l'éducation de l'écosystème psychologique, qui n'éduque pas en fonction de la relation entre les humains, parce qu'on a une société qui éduque spirituellement, qui éduque matériellement, mais qui n'enseigne pas la vie comme elle est. Et la loi enseigne la vie comme elle est. Lorsque tu sors de l'école, tu te heurtes à la loi, qui, elle, va t'instruire de la vie. Alors, tu n'as pas de travail, tu as droit à des rentes, hein, tu peux travailler pour le gouvernement fédéral, être sur le bien-être social, par exemple, et tu as des lois qui te disent de ne pas ambitionner, parce que tu ne le sais pas. Qui te disent de ne pas gaspiller l'argent de ceux qui travaillent, parce que tu ne le sais pas. Il y a donc des lois et des inspecteurs qui passent pour appliquer la loi de façon à tenter d'éduquer la population. Ce qui ne marche pas, parce qu'on doit, dans une société comme la nôtre, rajouter loi sur loi parce qu'on manque à la base au niveau d'éducation. Les lois du village, pourquoi des lois? Pour te dire de ne pas prendre trop de nourriture pour la laisser pourrir. Sois éduqué, sois intelligent, tu n'auras pas besoin d'une loi. Pour te dire de ne pas passer au galop devant un paquet d'enfants ou de rouler dans le village avec ton char en faisant plein de poussière en arrière quand les fenêtres sont ouvertes? Pourquoi mettre une loi? Pourquoi mettre une limite de vitesse? Parce que l'homme n'est pas capable de se rendre compte que devant une école, il y a des enfants qui traversent. Parce que l'homme n'est pas capable d'arrêter devant un autobus scolaire quand les enfants traversent. Il faut qu'on mette une loi. Il faut qu'on mette des pénalités. Il faut qu'on autre permis de conduire. Il faut qu'etc. Pourquoi qu'on éduque pas? Bon, le problème se pose pas pour notre société. Il faut mettre des lois. Au niveau du village, bien évidemment, le village est construit que s'il y a du monde pour le construire, sinon le village n'est pas construit. Alors franchement, ça me dirait vraiment bon. Alors, il n'y aura pas de loi. Gouvernement sera composé de qui et comment? Ben, je crois que j'ai répondu pas mal, disons, au mécanisme des gouvernements. Un gouvernement... On a fait une conférence qui était « Le gouvernement de demain, une monarchie ». Le gouvernement doit obligatoirement être une monarchie. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un monarque, un roi. Le problème de l'humain, dans sa phase conscientisante, réglé par le plan de l'astral, c'est que soit qu'il vote le monarque, donc il place le monarque qui lui est suggéré par le plan de l'astral, par son émotivité, par ses couleurs, par ses goûts, par ses affinités vibratoires psychologiques, j'aime la face ou pas, bon, il me rassure ou non, bon, ou bien, par les armes, le monarque s'instaure. Alors, on a la diplomatie, puis on a les régimes militaires. Et moi, je vous dis que la société de demain devra être régie par un monarque tant que l'homme n'aura pas cette intelligence qui lui permet d'être conséquentiel, d'être écologique, tant que l'homme planétaire n'aura pas cette vision du même point de vue. C'est-à-dire qu'on aura besoin d'un être qui n'arrivera pas pour rallier tous les plans planétaires, rallier toutes les religions, c'est pas ralliable, rallier toutes les idéologies, c'est pas ralliable. Il y a une personne qui va arriver à un moment donné sur le plan planétaire, qui va être suffisamment intelligent pour comprendre tous les mécanismes de l'homme, tous les mécanismes qui permettent de manipuler l'homme et qui va manipuler tout l'homme. Qui va manipuler tout le monde. Et ça va être le grand monarque. Au niveau du village, si on a là des êtres mentaux, on va créer le village. Si on n'en a pas, on ne le crée pas. Donc, je ne serai pas le grand monarque de ce village, je ne serai pas le gouvernement de ce village, et il est évident que de temps en temps, lorsqu'il y a une décision qui doit être prise, on fait caucus. On demande à tout le monde. Parce que, au niveau mental, comme au niveau psychologique, la discussion amène de l'énergie. Même chose au niveau mental. Au niveau supramental, t'as même plus besoin de discuter. Parce que sachons bien ceci. Lorsqu'on a une société psychologique, réglée par le plan de la collectivité, j'ai besoin des autres. Mais on ne dit pas pourquoi ni comment. Mais j'ai besoin des autres. Il y a des lois, en plus, qui vous obligent à avoir besoin des autres. Bon. Dans le plan psychologique, on règle un problème lorsqu'on n'a plus le choix. Parce qu'on ne veut pas régler le problème. On veut jouir. C'est le plan psychologique. On veut vivre. Présentement. Plus tard, on verra. Dans le plan du mental, le problème naît, il est réglé. Il est aperçu immédiatement et il y a priorité sur la jouissance psychologique. Ce qui va amener beaucoup plus de jouissance psychologique à l'homme psychologique, sauf que il va être réglé par l'homme mental, ce qui est beaucoup plus intelligent. Le problème va apparaître, l'homme va le voir et l'homme va pouvoir le régler. Et il n'y aura pas besoin de faire de la propagande pour dire que nos rivières sont polluées. J'ai vu à un moment donné une émission où on demandait à quelqu'un qui se baignait dans des poissons morts, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, faut le faire ça avec un me baigne dedans, comment il était malade? Fait que lui, il n'est pas pour la dépollution, pas pour l'instant, il n'est pas malade. Moi, c'est bon pour le corps, ça nous renforcit. Il n'a pas de grippe depuis 3 ans. Mais ben, correct. Et si on interviewe la personne qui est en train de mourir de botulisme ou qui est en train de mourir d'une trop grosse forte dose de mercure, elle pour la dépollution. Mais avant qu'elle en soit malade, elle n'était pas pour. Parce que dans le plan psychologique, l'homme doit expérimenter un problème, le réexpérimenter, en souffrir, et là, on veut le régler. Dans le plan du mental, on commence à voir des taches d'huile, là. Il y a juste une petite chose qui apparaît où on fait juste par analyse détecter qu'on pollue. On va s'arranger pour régler. Et ça va venir dans nos sociétés. Ça s'en vient. Mais tant qu'on est encore régi par un régime politique psychologique, nos savants ne peuvent pas rien faire. C'est le politicien qui va faire. Et lui, pour être élu, doit s'ajuster à la population. Et la population n'a pas l'instruction nécessaire pour voir les problèmes de société, donc on ne peut pas régler les problèmes de la société. Dans un contexte supramental, il n'y a pas de problèmes qui apparaissent. Alors, au niveau du village, présentement, c'est un contexte mental qui va surtout être créé. Contexte expérientiel pour pouvoir créer de l'expérience mentale dans un cadre mental pour pouvoir servir, évidemment, le reste de la province de Québec. C'est pas un monastère, c'est pas un culte. C'est pas un endroit où tu rentres et tu sors pas. C'est pas un endroit où ce qu'on invente, où ce qu'on invente des choses, et c'est top secret. C'est pas ça pour tout. C'est un endroit expérimental. Sauf qu'expérimenter en plein milieu d'un cadre qui refuse l'expérimentation, c'est compliqué. Alors évidemment, on va donc construire ce cadre qui est le projet OFSA. Mais on n'a pas besoin de gouvernement. On a besoin de gouvernement dans le sens du gouvernail. Dans le sens d'un coordonnateur. Dans le sens d'un réunificateur. Dans le sens d'un directeur. Mais pas d'un gouvernement dans le sens d'un instigateur, dans le sens d'un promoteur, dans le sens d'un propagandeur ou propagandiste, dans le sens d'une personne qui suggère et qui promouvoit ses suggestions. Dans le sens où, pour arriver au trône, je dois démolir les autres. Je dois, de toute façon, je dis avec qu'on n'a pas de gouvernement intelligent parce qu'on n'a pas de peuple intelligent. Et je parle d'intelligence mentale, je ne parle pas d'intelligence psychologique. Là. On n'a pas un peuple fou non plus, on a même un peuple extrêmement bien. Mais on a un peuple qui ne permet pas l'apparition d'un gouvernement intelligent parce que le peuple n'est pas suffisamment énergisé par son intelligence. Tant qu'on est relié dans la collectivité, cela veut dire que moi, je commence à quelque chose. Regardez bien c'est quoi la collectivité. Il y a une expérience d'ailleurs qu'on fait souvent en PMC1 qui dénote c'est quoi la collectivité. Moi, je viens de voir, c'est banal, c'est un jeu enfantin, c'est ça la collectivité. Or, je te donne un message dans l'oreille. Tu penses à ton voisin, il pense à l'autre, il pense à l'autre. Plus on est nombreux, plus c'est des fourmis rendues au bout. Et c'est ça, la collectivité. Si on a des individus, le message va arriver clair et net. Mais vu qu'on est assujetti à une collectivité, « Ah, il m'a dit ça, bon, moi je dis ça. J'analyse-tu? Est-ce que j'ai un esprit de rectitude? » Que seul l'homme individuel va développer. La collectivité n'a pas d'esprit de rectitude. Elle prend quelque chose, si c'est faux, elle le jette. Si c'est vrai, si elle pense que c'est vrai, elle accrédite. L'homme du verso, l'individu qui a l'esprit de rectitude, il prend une chose, c'est faux, il la corrige, il la remet comme elle était. Il peut rectifier parce qu'il a l'énergie pour le faire. Et on a une expérience banale qui n'est pas celui-là, qui est encore plus énergétique que ça, qui se fait au niveau du plan physique et vital, et psychologique évidemment, et même mental, qui permet à l'homme de découvrir c'est quoi être collectif. Mais dans nos sociétés, on a un message politique qui passe, les journalistes l'emploient, on l'a à la télévision, tout le monde en parle, tout le monde en jase, en fin de compte, on vote, mais on sait jamais. On sait jamais pour qui on vote. Et après ça, on va dire, on va maudire le politicien qui est en place, il a fait telle promesse. Non, il a dit ça. Vous l'avez interprété de telle manière. Et on peut jouer avec. Et lui, il va pas dire, vous l'avez interprété. On va dire, crime, c'est un menteur. Évidemment, il va essayer de défendre ce que vous dites, que dit. Mais en réalité, il fait des choses pour avoir un vote. Et vous votez par rapport à ce qu'il dit. On a un dicton ici qui dit qu'il n'y a pas plus menteur qu'un politicien. Mais on vote toujours pour le politicien le plus menteur. Plus habile, plus rusé. Effectivement, celui qui nous rend le plus de belles choses, on sait que c'est un menteur. Mais ça me plaît, je vote pour. On n'a pas le choix, d'accord. Mais si tout le monde annule son vote à un moment donné dans la province de Québec ou au Canada, il va se passer quelque chose dans la politique. Ils sont élus face à leur faculté de comprendre, de connaître notre psychologie, en fait. Ils font le jeu de notre psychologie. Ils ont une équipe de propagande qui est absolument nécessaire dans un contexte politico-astral comme nous le connaissons. Moi, pour me faire élire quelque part, si j'ai des êtres intelligents, je ne me ferai pas élire. Je n'aurai pas besoin d'être élu. Et je n'aurais pas besoin de propagande. On n'a pas besoin de rien. Tu as des choses que je ne connais pas. Je vais te voir. Tu n'as pas besoin de les afficher. Si je suis assez intelligent pour le découvrir, je le sais. Tu n'as pas besoin de t'en vanter. On n'a pas besoin d'annoncer le soleil quand il se lève. Bon, mais en politique, oui, il faut l'annoncer. Parce que le soleil, chacun le voit selon son point de vue et chacun dit à tout le monde, déplacez-vous vers mon point de vue, vous allez le voir, il est bien plus beau. Mais on ne voit toujours qu'une partie, puis on oublie le reste. Et la politique astrale, c'est ce qu'elle donne. Au niveau du village OFSA, donc, il n'y a pas d'élection. Il y a des prises de décision collectives, parce qu'on est au niveau du plan mental, donc il y a une forme d'énergie qu'on peut, disons, utiliser au niveau mental pour recevoir une connaissance plus claire au niveau supramental. Mais il n'y aura pas d'élection, il n'y a rien, aucune substance au niveau du plan psychologique. Il faut qu'il y ait quand même un comité en place, un comité de gestion. Exactement, un gouvernement. Gouvernement, ça vient du mot « gouvernail ». Gouvernail veut dire... pas gouverner. Qu'est-ce que c'est un gouvernail? Un gouvernail, c'est un safran. Un safran, ça, pour gouverner. Un gouvernail, c'est une forme de bois qui est dans l'eau et qui appartient à un navire. Le gouvernement, il est dans l'eau. Et lorsque le barreur, celui qui tient la barre, le timonier, bouge la barre ou tourne la roue, une barre à roue, le gouvernail se tasse. Et le bateau, la société, va dans la direction décidée par le barreur. Et le barreur devrait être le peuple. Jamais le gouvernement. Mais là, on a présentement un bateau qui est gouverné par le gouvernail. Mais qu'est-ce qui gouverne le gouvernail du bateau? Vous allez me dire, le courant, l'eau, c'est l'astral. Qu'est-ce qui gouverne le gouvernement? Les influences extérieures, pas ce que le peuple veut faire. Ce qui se passe à l'extérieur. Puis le peuple, il est après la barre, là, puis il se fait charrier par la barre. De l'or et de l'autre. Alors, à un moment donné, on envisage une nouvelle forme de gouvernail, être moins manipulé par l'extérieur. Une forme compensée, une forme longue, une forme ronde, une forme allongée. Et on vote. On l'essaye. Puis on a toujours dans l'idée que le gouvernail doit gouverner la société, le bateau, de façon à nous amener à bon port. C'est le peuple qui gouverne le gouvernail. Le gouvernement, c'est le village, on parle de coordonnateur, va être une personne qui coordonne les efforts de tout le monde. Lorsque le peuple dit « Nous voulons ça », le gouvernement a comme fonction de leur donner. Le gouvernement dit au peuple ce qu'il a besoin. Le gouvernement fait, même si le peuple veut pas. Hein? On a ôté les costumes de bain, là, les... Bon. Le peuple veut pas, mais le gouvernement veut. Alors, on gouverne. Les psychologies astrales qui disent que, bon, notre corps nous a été donné par Dieu, mais c'est pas pour l'exposer, c'est pour en avoir honte, passent. Et puis là, le gouvernail se tasse et la société, cette société-là, cette micro-société-là, s'en va dans une direction que tout le monde, tout l'équipage sur le bateau, les passagers regardent par le hublot, puis ils ont tout peur. Puis les voiles sur un bateau, c'est les constructions, c'est l'expression énergétique de la population qui permettent au vent. Donc, il faut connaître les vents, il faut connaître l'astral pour savoir de quelle façon on peut diriger le bateau. Mais il y a une chose que le gouvernement ne sait pas présentement et que le peuple ignore. Et seuls les marins le savent. C'est qu'un gouvernail ne peut pas envoyer un voilier quelque part si les voiles sont braquées pour l'envoyer ailleurs. Et les voiles, je le répète, c'est les constructions du peuple. Village Officer, c'est une partie de voile. Il y a bien d'autres choses dans la province de Québec qui se fait. Mais sachez bien que sur un voilier, vous tournez la barre à gauche, à tribord toute, pour que le bateau s'en aille à tribord. Vous placez les voiles et s'il y a du vent, pour que le bateau s'en aille à bâbord, gouvernail ou pas, il va aller à bâbord. Plus difficilement, il va aller à bâbord. Je sais que j'ai déjà failli couler un autre bateau, moi, parce que le mien, mon gouvernail, il répondait pas. Alors, c'était très, très, très important. Puis un gouvernement, c'est un gouvernail. Le peuple, c'est le barreur, c'est le timonier. C'est lui qui dirige le gouvernement. Et la société qui l'a construit, c'est son bateau. Alors, c'est lui de l'affaire pour qu'elle marche. Mais tu votes pas un gouvernail. Tu construis un gouvernail. Tu vas pas essayer 25 000 gouvernails, tu le construis. Quand est-ce que le peuple se construit un gouvernement? Jamais. Le peuple vote un gouvernement. Et présentement, ce sont des choses sur lesquelles, disons, à un moment donné, on va travailler au niveau du plan québécois. Mais le peuple, présentement, se laisse gouverner. Et le barreur se laisse charrier. Le barreur, c'est l'opposition. C'est le barreur, c'est un peu tout le monde. Puis le gouvernement tourne par là, le barreur se tasse, puis il charge, il rouspète, il pousse. Mais si tout le peuple vient pas pousser... On a un problème, et le gouvernement vient de gouvernail, puis sachez bien que la représentation du bateau à voile, puis nos sociétés, c'est merveilleux, c'est la même chose. Il y a des représentations, là, il y a des similitudes dans tout. Puis juste étudier ça, on comprend bien gros la société, mais jamais on instruit l'enfant de ce que c'est la société. Parce qu'un peuple qui connaît, un peuple qui pense, un peuple qui sait, c'est un peuple qui se contrôle plus. Par le gouvernail, c'est bien évident. Lorsque l'équipage commence à connaître les vents, connaître les courants, à connaître la structure du bateau, à connaître les forces agissantes du gouvernail, le gouvernail ne contrôle plus le bateau. Le peuple contrôle. Et n'importe quel gouvernement peut dire, bien évidemment, on parle d'un peuple intelligent. Parce qu'un peuple mental ne peut pas connaître les lois, les mécanismes du vent, les mécanismes de l'eau, les mécanismes des tempêtes. Le peuple astral, on s'appelle des éléphants. Ils montent sur un bateau puis on part. Ils ont le mal de mer, ils vomissent, ils tiennent, ils mangent, ils sont en arrière puis ils maudissent le fait qu'ils sont là. Mais il y a beaucoup de citoyens qui maudissent le fait qu'ils sont dans la société. Hein? Puis qui maudissent la société. C'est la même affaire. Théoriquement et pratiquement, quel que soit le niveau décisionnaire où ça va se passer, soit au niveau du gouvernement ou du peuple, dans un village supposé mental ou supramental, les décisions devraient théoriquement et pratiquement être prises à l'unanimité. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ça doit. C'est-à-dire ça devrait. C'est exactement ce qui va arriver, bon. Sinon, il n'y a pas de village. Okay. Parce que je ne veux pas, justement, théoriquement. Mais théoriquement, c'est vrai. Puis entre toi et moi, c'est vrai. Alors, ça se fait. Alors, on ne le fait pas tant que ce n'est pas prêt, puis on le fait quand c'est prêt. C'est différent d'un truc psychologique où tu le fais parce que tu penses qu'une fois qu'il va être fait, ça va amener ça. Pas vrai. On va le faire si c'est prêt. Au niveau mental, il y a un point de vue, c'est l'unanimité. Est-ce qu'on pollue, oui ou non? Non. Parfait. Est-ce que tout ce qu'on a qui pollue, on l'autre? Oui. Parfait. Maintenant, est-ce que notre ego veut qu'on le fasse? Non. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on le fait? Oui. Parfait. T'es intelligent. Fait que t'as pas besoin d'apprendre à pocher ta gomme à terre. T'sais, t'as beaucoup de personnes qui fument. Puis ils ont toujours appris. Pis c'est vrai. ils ont appris que les planchers étaient des bons cendriers. Et tu vas dire, ben oui, mais il n'y a pas de cendrier. C'est l'excuse. C'est pas une raison. Parce que si on n'en met plus à terre, puis que tu vas dans un restaurant ou tu vas dans n'importe où, dans une salle de cinéma, tout le monde est là avec sa cigarette, puis tient l'équilibre, la salle en équilibre. Le propriétaire, il va en acheter des cendriers. Mais non, le monde les met à terre. Fait qu'il passe le balai. C'est pas plus grave que ça. Mais on a des manques au niveau d'éducation parce qu'on est psychologique. Mais lorsque tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, quand tu vois clair et que tu te laisses pas colorer par ton émotivité. Donc, c'est le PMC qui va permettre aux gens de s'insérer dans le village. Il va y avoir l'éducation. L'éducation se fait au niveau du PMC, de ce programme-là. C'est pas sine qua non, mais présentement, c'est à peu près ça qui arrive.